De 9 à 12 degrés. La suite de la semaine sera marquée par un temps instable avec de nouvelles averses à répétition et parfois un coup de tonnerre. Maxima 15 à 20 degrés. Écoutez Vivacité, il est 17h. Le tueur de deux policiers français est loin d'être un inconnu fiché pour radicalisme et l'homme n'a pas caché ses sympathies pour les terroristes de l'État islamique. Il a précisé avoir prêté allégeance 3 semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique et il a ajouté avoir répondu à un communiqué de cet émir qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Le procureur de la République de Paris a donné quelques détails sur le profil du meurtrier. On entendra aussi les craintes des policiers en Belgique, ils veulent plus d'anonymat. Le Belge boit trop, parfois beaucoup trop. Une nouvelle étude internationale montre qu'un homme belge sur 5 risque des problèmes avec l'alcool. Que devient votre vieille voiture amenée à la casse? Réponse, 97% est recyclée. C'est l'un des meilleurs scores d'Europe et on en parle avec la patronne belge du recyclage. En fin de journal, on prend des nouvelles des Diables Rouges. Ils s'entraînent en ce moment. On verra si la défaite contre l'Italie est digérée. Et puis on partira à la recherche d'un ticket de loto validé chez Euro Disney. Valeur 1 million d'euros et le vainqueur a jusqu'à ce soir minuit pour se faire connaître, sinon ce sera perdu. Le journal sur Vivacité avec Lionel Denebourg. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La France a donc été la cible d'une nouvelle attaque djihadiste revendiquée par le groupe État islamique. La première depuis les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Un couple de policiers assassinés hier soir à Magnanville, à l'ouest de la capitale. Le tueur, abattu par les policiers du RAID, est Larossi Abala, un Français de 25 ans, bien connu des services de renseignement pour des faits de radicalisation et qui préparait visiblement d'autres attaques. Écoutez le procureur de la République de Paris. Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations qui leur ont permis notamment de saisir à l'intérieur du pavillon, une liste de cibles mentionnant des personnalités ou des professions, rappeurs, journalistes, policiers ou personnalités publiques. François Molins, le procureur de la République de Paris, lors de sa conférence de presse en début d'après-midi. Philippe-Antoine, notre envoyé spécial, était à Paris, l'a suivi ce point presse. Pour s'adresser aux journalistes cet après-midi dans la petite salle de presse, voisine de son bureau, François Molins était accompagné de la directrice de la police judiciaire. Mais elle ne dira pas un mot. Seul le procureur s'exprime. Et très vite, on comprend qu'il n'a pas l'intention d'entrer dans les détails de l'enquête, ni même de répondre à la moindre question. Parmi les quelques précisions qu'il apporte malgré tout, on apprend notamment que le tueur, condamné en 2013 à 3 ans de prison pour sa participation à une filière terroriste vers le Pakistan et l'Afghanistan, a été libéré dès la fin de son procès, puisqu'il avait déjà séjourné près de 2 ans et demi en prison depuis son arrestation en mai 2011. Le procureur confirme aussi que l'homme était sous surveillance téléphonique depuis 4 mois, dans le cadre d'une nouvelle enquête sur une filière syrienne, cette fois, mais que rien dans les conversations surveillées ne permettait d'imaginer ce qui allait se produire. Aucun élément, insiste-t-il, ne justifiait une interpellation à Paris. Philippe-Antoine, RTBF. Et cet après-midi, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Elles font partie de l'entourage du tueur. Cette attaque prouve que les policiers sont des cibles à risque en France, mais chez nous également. Les policiers se sentent clairement en danger. Pour Vincent Gilles du syndicat SLFP, les policiers attendent une chose bien précise. L'élément essentiel que nos collègues réclament, c'est une protection axé essentiellement sur l'anonymat dont ils devraient bénéficier dans le cadre de leur travail policier. Et nous voulons que les policiers se voient garantir que leur domicile et même leur identité en certains cas ne sera divulgué à personne d'autre que des personnes précises et très limitées. En tout cas, certainement pas ni les truands ni les terroristes sur lesquels ils ont eu à travailler. Vincent Gilles du SLFP Police, contacté par Radia Sadani. Un homme belge sur 5 risque d'avoir des problèmes avec l'alcool. Résultat d'une étude réalisée dans 50 pays différents, dont la Belgique. Des hommes et des femmes interrogés sur leurs habitudes de consommation, Simon Gérard. Oui, les questions étaient plutôt simples. Par exemple, est-ce que ça vous arrive souvent de ne plus vous rappeler de votre soirée tellement vous étiez sous? Eh bien, sachez qu'un Belge sur 7 a répondu que ça lui arrive une fois par mois, au moins. Alors, autre exemple, est-ce que vous vous êtes déjà blessé ou est-ce que vous avez déjà blessé quelqu'un parce que vous aviez trop bu? Un Belge sur 6 a répondu que oui, ça lui est déjà arrivé. Le Belge boit trop et il le sait. Un Belge sur 3 affirme qu'il voudrait diminuer sa consommation cette année. Par contre, peu d'entre eux avouent avoir besoin d'aide. Moins d'un Belge sur 10 admet qu'il aurait bien besoin d'un petit coup de main. Oui, et pourtant l'alcool peut faire des ravages très rapidement. Écoutez le témoignage de Anne, ancienne alcoolique. Au début, c'est un alcool festif, comme on appelle ça, social. Mais de plus en plus, oui, à la fin, je buvais beaucoup et je commençais à boire dans la voiture. Dès que mes enfants étaient sortis de l'auto, j'avais tout mon nécessaire en dessous de mon siège et le feu rouge suivant, dans le petit Tupperware brun, je mettais ce qu'il fallait et je commençais à 8h30 du matin. Le témoignage d'Anne, cela fait maintenant 34 ans qu'elle n'a plus bu une goutte d'alcool. Alors Simon Gérard, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire l'alcool? La prohibition, ça coûte cher. Il faut des policiers, des douaniers supplémentaires. Et ça ne marche pas fort, selon les experts. Par contre, une piste pour le docteur Técodé, directeur de l'hôpital du Chêne-Haut-Ay, qui s'occupe des addictions à Mons. Une piste, ça serait de restreindre la vente d'alcool. L'alcool est accessible très très facilement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc cette accessibilité est sans doute une accessibilité qui est problématique. Et donc restreindre cette accessibilité à l'alcool est vraisemblablement une bonne chose. Alors une autre piste, évidemment, c'est la prévention, en particulier chez les jeunes. Merci Simon Gérard, et on reparlera du sujet tout à l'heure dans le 5 à 7. Peut-être bientôt, l'embellie à la SNCB, syndicats et direction se sont une nouvelle fois réunis ce matin pour discuter de l'épineux problème des jours de récupération. Nouvelle réunion fixée à jeudi avec la perspective d'un accord qui se dessine enfin. On rappelle que la CGSP a déposé un préavis de grève jusqu'au 26 juin prochain. À la prison d'Arlon, les gardiens ont voté pour la reprise du travail tout à l'heure, décidée à une faible majorité, une reprise effective à partir de lundi prochain. À Mons, les agents réunis en assemblée cet après-midi ont accepté de reprendre le travail, mais à certaines conditions. Elles concernent la sécurité et l'organisation du travail. Les agents souhaitent notamment que les activités des détenus soient limitées. Sans doute des soucis si vous êtes automobiliste à Bruxelles cet après-midi. On nous signale que suite à un incident technique, le tunnel Porte de Halle est fermé à la circulation. Le géant Total rachète le petit belge Lampiris. Lampiris fondé il y a un peu plus de 10 ans à peine et aujourd'hui la société liégeoise est le troisième fournisseur de gaz et d'électricité sur le marché belge. Alors ce rachat est-il une bonne nouvelle? Réponse de Tom van de Kruis, le patron de Lampiris. C'est certainement une bonne nouvelle parce que Total va nous donner l'opportunité de donner beaucoup plus à nos clients, plus d'énergie verte, parce que Total est en train d'investir dans le vert. On va être capable d'amener beaucoup plus de produits et services à nos clients. Et Total aussi est une structure beaucoup plus robuste au niveau financier et qui peut nous aider et nous accompagner dans notre croissance en Belgique et dans les autres pays. C'était nécessaire pour Lampiris de grandir et de trouver un partenaire aussi important que Total? Oui, je pense bien. Notre intention de Lampiris était toujours de devenir une organisation importante. On a commencé notre croissance, mais on sent quand même que le capital actuel était trop limité pour vraiment réussir nos ambitions. Et avec Total, on a toute opportunité. Le patron de Lampiris, contacté par Anne Poncelet, montant du rachat entre 150 et 200 millions d'euros. Total assure que tous les emplois seront maintenus et que rien ne changera pour les 850 000 clients. L'un des deux fondateurs de Lampiris, vous le connaissez, c'est Bruno Venanzi, l'actuel président du Standard. Ouftiwan ne répond plus. Ouftiwan, on vous en a déjà parlé, c'est ce petit satellite développé par l'Université de Liège et mis en orbite il y a bientôt 2 mois. Mais aujourd'hui, le contact est rompu, l'appareil a tout de même eu le temps, paraît-il, de remplir ses principaux objectifs. Et l'ULG pense déjà à un ouf-titou. La Belgique a recyclé l'an dernier 97% des épaves de voitures. 97% du poids total de tous les véhicules hors d'usage. C'est un record et l'un des meilleurs taux en Europe. On en parle avec Catherine Lénartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Febeloto, la SBL qui coordonne la collecte et le recyclage en Belgique. Vous confirmez déjà 97%, c'est un des meilleurs niveaux de recyclage en Europe, ça ? Absolument, nous sommes vraiment un des meilleurs et nous sommes très fiers de ce résultat. Et d'année en année, on recycle mieux. Pourquoi ? Grâce au progrès technologique surtout ? Oui, c'est grâce à nos entreprises qui ont développé plus que 40 technologies pour récupérer tout le matériel du véhicule. Ah, donnez-nous un exemple, qu'est-ce qu'on peut recycler maintenant qu'on ne pouvait pas recycler avant ? Ben, presque tous les plastiques des voitures, on recycle maintenant et ça devient de nouveau des matières premières dans la production. Et on arrive de nouveau à récupérer les plastiques en forme de petites boules. Et ces boules sont de nouveau la matière première pour refaire des produits en plastique. Et qu'est-ce qui est le plus recyclé et qui peut servir par après ? Les métaux, évidemment, c'est aussi le plus facile. Mais maintenant, on arrive à récupérer aussi tous les métaux non ferreux. Et il reste encore de la marge pour avancer avec les technologies ? Ben, nous sommes vraiment presque au top. Hein. Il nous reste 3%. 3%, c'est un petit tas de poussière, plutôt des tissus, etc., et des mousses, des sièges. Et cela, on s'est récupéré énergétiquement, mais en matière, nous sommes vraiment au maximum. Alors, vous constatez aussi qu'on garde plus longtemps la voiture. Elle a une vie plus longue, en quelque sorte. Pourquoi ? Oui, parce que les voitures sont de mieux en mieux produites. C'est-à-dire, avant, on avait le problème de la roue. Maintenant, il n'y a presque plus la roue. Et on constate aussi que les gens tiennent plus longtemps leur voiture. C'est aussi un peu suite à la crise économique. Les gens gardent leur voiture un peu plus longtemps. Merci Catherine Lénartz, directrice de Febeloto. L'an dernier, ce sont plus de 107 000 épaves qui se sont retrouvées à la casse en Belgique. Après la leçon de football hier soir face à l'Italie, les Diables Rouges ont repris l'entraînement cet après-midi. Oui, retour à Bordeaux dans la nuit pour les joueurs et séance d'entraînement à 16h. Thierry Luters, vous étiez au bord du terrain il y a encore quelques minutes. Est-ce que les Diables Rouges ont la mine des mauvais jours ? Eh bien, impossible de dire bonsoir Lionel, puisqu'en réalité, ce sont les réservistes qui s'entraînent. D'ailleurs, l'entraînement touche tout doucement à sa fin ici, au centre du Haillan, à Bordeaux, puisque les titulaires, les 11 titulaires, ils n'ont pas osé se montrer. Eux, eh bien, pardon ? Ils n'ont pas osé se montrer. Ben, c'est vous qui le dites, en tout cas c'est le programme qui était agencé de la sorte. Ils sont restés à l'hôtel parce qu'ils sont rentrés très tard, vous l'avez dit, 4h du matin après le vol entre Lyon et Bordeaux, et puis repos évidemment, soins, et pour l'instant ils sont partis faire une petite balade à vélo dans cette très belle région du Médoc, même si la météo est encore un petit peu incertaine aujourd'hui. Les autres donc s'entraînent, donc on sent bien évidemment que ce n'est pas la folle ambiance après le revers subi hier face à l'Italie, et dans quelques instants Marc Wilmots va tenir sa conférence de presse, qu'il sera sous le feu nourri des critiques et qu'ils ne vont pas manquer après la prestation d'hier où tout le monde dit et répète qu'il a pris une leçon tactique des œuvres de son homologue italien Antonio Conte. Et on suivra ça avec vous Thierry, merci. Thierry Luters avec nous en direct depuis le camp de base des Diables Rouges à Bordeaux. Les Belges qui ont perdu, mais vous avez tout de même établi un record hier soir, celui de téléspectateurs. À votre avis, on était combien Cyril hier soir ? 1,2 million, 1,3 million. Ou nettement plus, 1,675,518 téléspectateurs sur la une pour le match Belgique-Italie. C'est la meilleure audience tout simplement de téléspectateurs depuis le calcul des audiences il y a 20 ans quasiment. 77% de parts de marché au sud du pays. Notez qu'aujourd'hui il y a deux rencontres à suivre en télé aussi. Autriche-Hongrie à 18h et Portugal-Islande à 21h. La Russie, elle, est ouvertement menacée de disqualification de l'euro. Mesure prise par l'UEFA, une sanction avec sursis s'il y a encore des débordements. On termine le journal avec une question. Mais où donc se cache un mystérieux gagnant de l'Euromillion ? Oui, peut-être en tout cas si vous avez validé votre ticket dans une librairie d'Euro Disney à Paris. Ticket gagnant mais toujours pas retrouvé. 1 million d'euros et qu'il faut absolument déclarer avant ce soir, 23h59. Mais qui peut bien être ce mystérieux gagnant ? Mathilde Dehimi a mené l'enquête. Dans le magasin, on cherche encore le client mystère. C'est vous le millionnaire ou pas ? On recherche un millionnaire. Non. Il a gagné 1 million d'euros, on sait pas c'est qui. Il y a des indices, le numéro du ticket et la date du 15 avril. Les clients fouillent leur poche et leur mémoire. C'est le 15 combien? Le 15 quoi? 15 avril. T'as joué l'euro million? Je sais pas. Non, c'est pas moi. Mais personne n'a le ticket gagnant. On sait jamais, non, en fait. C'est pas moi. 800 à 2000 clients passent chaque jour dans ce relais entre la gare RER et TGV et Euro Disney. À la caisse, Jeannot joue au pronostic. Je dirais plutôt un anglais ou un espagnol. Je penserais plutôt pour une femme. Son patron Alain confirme. Ça doit être un étranger qui est retourné dans son pays, n'a pas regardé le numéro My Million à mon avis. Quand vous partez, vous vérifiez sur internet que les 5 numéros de l'Euro Million, mais vous vérifiez pas forcément le numéro My Million. 1 million d'euros à la poubelle. Thierry, un habitué, veut encore y croire. Est-ce que la personne n'a pas toujours son ticket et puis elle n'ose pas? Parce qu'elle a peur, quand on gagne de l'argent, c'est comme une mouche du caca. Les gens, là, comme par exemple, tout le monde est vos amis. Là. Au relais, la somme fait rêver. On parle vacances, achat de maison, placement immobilier. 1 million, c'est beaucoup quand même. Et puisque la moitié des rayons est consacrée aux peluches Euro Disney. 17,99€ la peluche. Donc il faut chercher la calculatrice et calculer. Soit 55 500 peluches Mickey pour 1 million d'euros. Un reportage de Mathilde Dehimi de Radio France. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point RTBF Mobile Info. Oui, on nous signale que le service public de Wallonie nous annonce des travaux sur l'E42 Mons-Liège au kilomètre 7.4 à hauteur du pont de Flémal. Le passage s'effectue uniquement via la bande de droite en direction de Liège. Les bandes du milieu et de gauche sont fermées à la circulation et ce pour procéder à l'enlèvement de pierres qui risquent de tomber. Soyez donc prudents si vous passez dans le coin. On nous signale également des travaux sur l'E40 Liège-Bruxelles. Il y a ce chantier toujours entre Loncin et Ognoul. Une bande de circulation est neutralisée en direction de Bruxelles. La fin de ces travaux est prévue pour demain. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, travaux sur le 42 Baptiste-Prume entre Sarre et Jalais. La circulation s'effectue sur une bande dans chaque sens. Voilà, soyez prudents et patients si vous êtes dans les embouteillages. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dis de vos Où est l'MNC? J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'andalouse et de cote à l'os. Oui. L'andalouse préférée des cocoteurs, la voilà. De vos l'MNC. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze, ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50€. Et c'est pour tout le monde. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Le Festival de Dour, un des plus grands festivals d'Europe, revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative avec des noms mythiques et des sons de demain. Danak Hill, The Prodigy, Sigur Rós, Wiz Khalifa, Pixies et bien d'autres encore. Dour Festival, du 13 au 17 juillet. Plus d'infos, dourfestival.be. Avec le soutien de Vivacité et La 2. Phare anti-brouillard avant? Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale Fortink? Oui. Climatisation? Oui. Que demander de plus? Le prix? Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Besoin d'échelles, d'échafaudages et d'autres systèmes pour accéder en hauteur? Visitez Germont Carrière à Wandre, spécialiste depuis plus de 70 ans. Germont Carrière, avenue de l'Indépendance, 57 à Wandre. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Bonjour, c'est Christophe Benteke. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400€, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à NECFM, sur la route du 8 Warem ou JC, chaussée de temps gras au cours. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Je vais m'offrir deux ou trois petites choses. Ce bikini, la paire de bottes là, cette superbe robe noire aussi. Et puis les lunettes de soleil. Ce jeans magnifique, bien sûr. Et vous, les escarpins. Que feriez-vous avec 6000 euros? Paracar by Van Dryden, des voitures presque neuves, nettement moins chères que les neuves. À Mélin-Soumagne, Henri-Chapelle, Verviers et Eupen. Showroom online sur eurecar.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et jusqu'à 19h, effectivement, on va passer comme tous les jours 2 heures ensemble, 2 heures de plaisir, 2 heures à revenir sur l'actualité de la journée. Et aujourd'hui, on va le dire honnêtement, rien ne va plus. Après la défaite des Diables hier, voilà qu'on s'est attaqué à la recette de notre mayonnaise. Une nouvelle recette officielle a été publiée aujourd'hui au Moniteur, c'est pas une blague. Alors est-ce que c'est la fin de notre traditionnelle mayonnaise à l'huile, aux œufs, le tout bien gras? Eh bien on y revient dans un instant. En foot, défaite de la Belgique hier, on va pas se refaire du mal, on va pas l'évoquer tout le temps tout au long de cette émission, mais on va s'intéresser avec Lise Burion tout à l'heure à l'Euro 2016 et un gardien qui est sur le terrain cet après-midi, le gardien hongrois, et visiblement il aime jouer en pyjama, les détails tout à l'heure. Grâce à une étude, aujourd'hui on en parlait dans le journal, des chercheurs se sont rendus compte que trop de Belges ont une consommation d'alcool problématique. Des spécialistes évoquent une augmentation des prix pour une limitation de la consommation. On revient sur cette info avant 19h. Et puis pour terminer la journée, de la musique avec Bessac Arthur qui sera là tout à l'heure. Sous le ciel du Nord, je m'envole, je m'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient, l'orage vient. Bessac Arthur, il a un projet plutôt dingue pour lequel il a besoin de vous. Il viendra nous en parler avant la fin de ce 5 à 7, c'est promis. Et puis direction le Québec aussi, vous allez partir avec ce soir un panier gourmand avec plein de bons produits du Québec, mais vous allez aussi gagner votre séjour sur place pour deux personnes. Alors tout ça, c'est à l'occasion de la fête nationale du Québec qui aura lieu le 23 juin. Elle sera fêtée à Bruxelles d'ailleurs, au Mooder Lambic Fontenas. Vous pourrez y assister et vous allez en plus de ça gagner donc votre séjour de vol aller-retour, 6 nuits en bed and breakfast là-bas, la voiture de location, des visites guidées, tout ce qu'il faut pour être bien, en fait, hein, pendant vos vacances. Tout ça grâce à la délégation générale du Québec à Bruxelles, à Air Transat qui vous emmènera jusqu'à là-bas, à Go to Canada, au ministère du Tourisme du Québec également. Pour repartir avec votre séjour, et tout d'abord votre panier gourmand qui est offert par Maple Abroad ce soir, il faut me dire ce que veut dire l'expression québécoise que je vais vous passer. Vous me traduisez cette expression en français, écoutez bien. C'est quétaine. C'est quétaine. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quétaine? Si vous avez une idée, vous me l'envoyez au 6003 et si vous avez la bonne réponse, peut-être que je vous appelle pour partir directement au Québec une semaine pour deux personnes. Ce serait plutôt sympa. Je vous souhaite bonne chance. Donc c'est quétaine, si vous avez la traduction, 6003 maintenant par SMS. Alors c'est dingue, au Moniteur, on a beaucoup de choses qui sont publiées chaque jour, des nouvelles lois, la création de nouvelles sociétés, et puis la nouvelle recette de la mayonnaise, elle a été publiée officiellement au Moniteur aujourd'hui. On ne fait pas la mayonnaise comme on veut. Cette recette change par rapport à avant, moins d'huile, moins d'œufs, et donc une sauce moins grasse qui a pour but de concurrencer des producteurs étrangers qui proposent des sauces moins grasses sur le marché belge. Alors on va parler de ce changement de recette officielle de la mayonnaise avec Philippe Collomb. Vous êtes directeur de la société Colonna qui produit énormément de sauces différentes, dont la mayonnaise. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7. Alors un petit mot d'abord sur ce changement de recette. Notre mayonnaise, elle était trop grasse, il fallait vraiment diminuer? Oh, c'était dans l'air du temps depuis déjà un an, je pense. Donc voilà, c'est une recette traditionnelle, 80% d'huile, 7% et demi de jaune d'œuf. Et c'est vrai que pour une question de concurrence étrangère, ils ont décidé de changer cette loi pour ramener à 70% d'huile et 5% de jaune d'œuf. Est-ce que vraiment il y avait un intérêt à le faire? Parce que vous produisez, enfin il y a 90% de votre production qui part à l'étranger, ça veut dire qu'on aime quand même bien les sauces un peu grasses ailleurs alors? Tout à fait, c'est une recette traditionnelle. Bon, moi personnellement, je préfère la recette traditionnelle 80% d'huile que l'autre. Maintenant, voilà, c'est vrai, elle a fait le succès un peu de notre produit à l'étranger. Bien sûr, il faut savoir que ça fait déjà maintenant 2 ans que nous fabriquons aussi des mayonnaises 70% d'huile pour répondre à des demandes spécifiques du marché français. Notamment nous, en ce qui nous concerne, nous fabriquons 3 produits en marque distributeur avec 70% d'huile depuis déjà 2 ans. Au niveau du goût, ça change quoi s'il y a moins d'huile, s'il y a moins d'œufs? Ben, on goûte moins le goût de l'œuf, l'huile c'est différent. Maintenant, vous savez, bon, en ajoutant un peu de moutarde, bon, je veux dire, ça masque un peu ce manque de goût d'œuf. Ce sera plus axé sur la moutarde finalement. Bon bah alors on verra si cette recette va s'imposer alors dans nos rayons. Est-ce que le fait que cette recette soit publiée au Moniteur impose aux fabricants de la suivre ou pas? Non, il faut distinguer deux choses. Hein. Vous avez les marques distributeurs, hein, donc qui appartiennent aux grandes chaînes de supermarchés. Ouais. Donc pour fabriquer leur marque propre, nous recevons une demande d'appel d'offres accompagnée d'un cahier de charges, des charges qui est bien, Vous devez suivre vraiment ce que le distributeur vous demande. Nous devons le suivre à la lettre. Donc si leur décision est de passer à 70%, nous serons tenus de passer à 70%. Maintenant, en ce qui concerne, je veux dire, la marque Colonna en l'occurrence, là nous sommes maîtres de notre marque, nous ne sommes pas obligés de fabriquer une 70%. Et si nous y étions amenés pour une question de prix, hein, puisqu'elle sera moins chère, bon, rien ne nous empêche à ce moment-là de créer un label mayonnaise recette traditionnelle belge et de continuer à faire la 80% pour ceux qui la désirent. Donc finalement, c'est le client qui va décider, c'est le consommateur qui choisira la future tendance. Est-ce qu'on va rester vers la traditionnelle belge ou la version un petit peu allégée? Ben merci beaucoup Philippe Collomb pour vos précisions et puis je vous souhaite une bonne préparation de la mayonnaise. C'est vous qui êtes en cuisine qui préparez tout ça? Je ne suis pas en cuisine, non. Vous supervisez tout ça depuis votre bureau alors? Tout à fait. Je vous souhaite une excellente soirée Philippe, à très bientôt. À vous aussi. Au revoir. Lionel, je me tourne vers vous, je vois que vous avez une tête d'amateur de mayonnaise. Que de la maison moi monsieur. C'est vrai? Ah oui toujours. Et alors, ben, vous respectez la recette du Moniteur ou alors vous faites avec beaucoup d'huile? À l'œil. Un jaune, de la moutarde et de l'huile. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans votre mayonnaise alors, enfin. Vous viendrez goûter. Vous connaissez pas. Ah, c'est une invitation à la maison. Mais si je viens, c'est avec des auditeurs. Ça marche. Il l'a dit. Amenez les marche. Frites alors. Eh bien, on fera ça. Si vous voulez venir passer une soirée chez Lionel de Neubourg, 3063 par SMS, on s'organise ça. On peut faire ça pour le prochain match de la Belgique. Ah oui, pourquoi pas. Pour assister, je travaille au matin d'abord avant le match. Bah, c'est pas grave, on viendra le soir. Vous pouvez travailler quand vous voulez. 3063, inscrivez-vous, on va vraiment organiser ça. Il est 17h26, dans un instant dans le 5 à 7, on va parler justement de cet Euro 2016. Alors on va essayer d'oublier un peu la défaite quand même d'hier avec les Diables. Mais il y a la Hongrie qui joue cet après-midi avec un gardien qui aime visiblement avoir une vieille tenue, un pyjama pour aller sur le terrain. On en parlera avec Lise Burion dans un instant. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a aussi ce refuge à Péroué. On en parlait ce matin dans C'est vous qui le dites. Vous avez débattu de cette actualité avec Benjamin Maréchal, un refuge qui coûte 2,5 millions d'euros avec des espaces grands pour les chiens, avec du chauffage à l'intérieur, un petit espace à l'extérieur, des cages de 12 mètres carrés pour les chiens, des cages de 2 mètres carrés pour les chats. Des espaces luxueux donc pour ces animaux qui seront dans ce nouveau refuge à Péroué. Mais vous, vous allez me dire par SMS au 3063 ce que vous avez comme petit luxe pour vos animaux. Je sais pas moi, quand vous préparez un truc à manger, vous gardez un petit peu sur le côté, votre animal mange comme un humain. Vous avez des colliers un peu particuliers, vous habillez vos animaux. Bah dites-moi quels sont les petits luxes que vous offrez à vos animaux. Au 3063 par SMS, on fait un point sur tout ça dans quelques minutes. Nouveau, ce week-end, ouverture d'Opel Renier, votre nouveau concessionnaire Opel à Soumagne. Opel Renier, c'est depuis 50 ans une entreprise automobile familiale sérieuse, proche de Liège et Verviers. Portes ouvertes les 18 et 19 juin. Venez nombreux apprécier la gamme Opel chez Renier à Soumagne. Conditions spéciales ouverture. Choisissez Opel Renier, vous avez tout à y gagner. Opel Renier, rue de la Clé, à Mélin, entre Soumagne et Herve ou opel-renier.be. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal-Islande à suivre en direct ce mardi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Waouh, ces lignes séduisantes. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. h 30, voici les titres de l'actualité avec Lionel Denebourg. Un cap dans l'horreur a été franchi, les mots du Premier ministre français Manuel Valls après le meurtre hier soir à l'arme blanche de deux policiers dans une banlieue de Paris. Larossi Abala, un Français de 25 ans, est bien connu des services de renseignement, fiché pour radicalisme. D'après le procureur de la République de Paris, il envisageait d'autres attaques contre des journalistes, des rappeurs ou encore des personnalités publiques. Le géant Total rachète le Belge Lampiris, troisième fournisseur de gaz et d'électricité. Montant du rachat entre 150 et 200 millions d'euros. Total assure que rien ne changera pour les 850 000 clients. Et puis, premier entraînement cet après-midi pour les Diables Rouges après leur défaite hier contre l'Italie. Entraînement uniquement pour les réservistes. Aujourd'hui, deux matchs au programme. Autriche-Hongrie dans une demi-heure et Portugal-Islande, ce sera à 21h. Merci Lionel. Prochain point sur l'actualité à 18h. Vous êtes engagé il y a quelques minutes à accueillir des auditeurs pour le prochain match. Alors il y a Gabin qui lui dit ok pour la soirée maillot, j'apporte les petits légumes et quelques autres joyeusetés pour accompagner la maillot. C'est plus 5 des frites, c'est bien. Exactement, donc frites, maillot et petits légumes, inscrivez-vous à la soirée. C'est quand le prochain match? C'est samedi. C'est samedi, donc samedi soir tout le monde chez Lionel de Neubourg, 3063 pour vous inscrire à cette soirée. Dominique, vous viendrez? Avec plaisir. Ah, c'est Lionel qui fait la maillot. Ah, mais la maillot maison, bon. En plus, celle de Lionel, alors là, on est au top. C'est quand même toujours meilleur. Quel temps va-t-il faire? Alors pour samedi, on ne le sait pas encore, mais pour demain et cette nuit? Eh bien, c'est un retour au calme avec pas mal de nuages bas. Des minima de 9 à 12 degrés. La suite de la semaine sera marquée par de nouvelles averses. Pas mal d'averses, un temps instable, avec des averses qui seront ponctuées d'un coup de tonnerre, parfois maxima 15 à 20 degrés. Merci Dominique. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Fanny Gillard, quelle est la situation à 17h31? Bah écoutez, on a toujours ces accidents impliquant plusieurs camions coup sur coup sur le 42 Namur-Mons. C'est aux environs de Fleurus le premier, le second à hauteur de Gosselies. Au total, attention, accrochez-vous, plus d'une heure et demie de retard en direction de Mons. Donc patience et puis surtout prudence, rien ne sert de courir. Accident sur le ring 3 de Charleroi, le grand ring donc de Charleroi, à hauteur de la sortie Soleil-Mons. C'est en direction d'Épigny. Les véhicules se trouvent en bande d'arrêt d'urgence, mais il y a pas mal de débris sur la chaussée. Objet encombrant sur le 42 Namur-Mons, un bloc de béton se trouve à hauteur de la Louvière, bande de droite encombrée en direction de Mons. Déchets de pneus, E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Thieu, passage compliqué cette fois en direction de la capitale. Et puis cet autocar en panne en bande d'arrêt d'urgence sur le 400 Arlon-Namur, juste avant l'église. Alors on a fermé la bande de droite puisque dans cet autocar il y a des enfants et histoire de les protéger, on a fait ce petit périmètre de sécurité et on a des ralentissements, 20 minutes de perdu en direction de Namur. On passe maintenant à la capitale avec un véhicule en panne dans le tunnel Rogier, bande de droite encombrée vers le midi. Ça coince du tunnel Porte de Halle au tunnel Léopold II vers la Basilique. On nous signale à l'instant un accident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur de Zaventem. Il y a des files vers Waterloo. Du coup, temps de parcours en circulation intérieure pour faire Grand Bigard Zaventem, 20 minutes. Si vous devez continuer plus loin, Zaventem Carrefour Léonard, vous perdrez une demi-heure de plus que prévu. On a aussi un accident, cette fois en circulation extérieure à hauteur d'Anderlecht. Passage assez compliqué en direction de Halle. Et si on regarde les temps de parcours en circulation extérieure, Zaventem Grand Bigard seulement 10 minutes de plus que prévu pour l'instant. Grand Bigard au titre, une bonne demi-heure en plus. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Dans Dans un instant, dans la suite du 5 à 7, on parle de l'Euro 2016 avec un joueur, un gardien plutôt particulier sur le terrain. On y revient avec Lise Burion dans quelques secondes. On s'intéressera aussi à un outil révolutionnaire qui est testé en ce moment au CHU Montgodine pour tous les patients opérés du larynx et des cordes vocales. Ils peuvent à nouveau communiquer même dans la période où leur voix ne fonctionne plus et certains d'ailleurs ne peuvent plus jamais reparler. Une tablette les aide, on vous en parle dans quelques petites secondes sur Vivacité. On s'intéressera aussi tout à l'heure à cette info qui concerne l'alcool. On l'a dit tout à l'heure dans le journal de 17h, trop de Belges ont une consommation d'alcool problématique. C'est une étude qui le dit. Alors quelles sont les pistes qui sont mises en place, qui sont étudiées pour le moment pour diminuer cette consommation d'alcool? Il y a entre autres l'augmentation du prix de l'alcool. Est-ce que réellement ça a une incidence? On verra ça tout à l'heure sur Vivacité. Et puis ce concours, vous partez avec votre séjour à Québec. Et quand je dis à Québec, c'est au Québec directement, parce que vous visiterez non seulement la ville de Québec, mais les alentours également. Vous partez 6 nuits là-bas, en bed and breakfast. Vous avez le vol aller-retour, vous avez une voiture de location sur place, des visites guidées qui sont prévues, et tout ça, c'est à l'occasion de la fête nationale du Québec qui se tient aussi à Bruxelles, pas que là-bas. Ce sera le 23 juin, le jeudi 23 juin, et ce sera à fêter au Moudeur Lambic Fontenas. Pour repartir avec votre séjour, et ce soir, un panier gourmand et votre place en finale pour le séjour, il faut reconnaître ce qui est dit dans cette expression en québécois. Écoutez bien, et vous me traduisez cette expression par SMS au 6003. C'est quétaine. C'est quétaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une idée, c'est maintenant que ça se passe. 6003 pour 75 centimes, le SMS. Bonne chance. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Pour un barbecue réussi, il faut une brochette d'amis. Et notre savoureux colis barbecue de 4 kilos à seulement 24,99€. Détail de l'offre en magasin. Intermarché, votre expert en barbecue. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaire en magasin. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, tu as raison. Et il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... Avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Les Ardentes. Du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine. Aaron. Alice on the Roof. Les Innocents. Ibrahim Malouf. Big Flo et Oli. IBI. Musti. Christophe. Nekfeu. Mark Ronson. Et Pharrell Williams. Info et réservation lesardentes.be. Avec Vivacité, la 2, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la Loterie Nationale. S'il y a un modèle Citroën pour chaque tempérament, il n'y a que Citropole pour vous offrir un service VIP. Citropole, la référence Citroën en province de Liège. Portes ouvertes du 13 au 18 juin inclus. Prime de reprise surprenante jusqu'à moins 50% sur les options et offre alléchante sur le stock. Offre soumise à condition. Citropole, Citroën en province de Liège. Citropole.be. Bonjour, c'est Thomas Vermaelen. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Tu sais, toi, comment on appelle les habitants de Blégny? Les Blégniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Blégny. Journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blégny. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blégny. Les Blégny, toi. Matexi, bienvenue chez vous. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Avant de s'intéresser au match qui se déroule dans quelques minutes dans cet Euro 2016, le rendez-vous à pas manquer ce soir, c'est à partir de 20h. Vous avez rendez-vous en direct de Saint-Étienne avec Bleu, Blanc, Diable. C'est David Oudrey, Pascal Chimet et Benjamin Niquez qui seront là et qui reviendront sur la rencontre d'hier, hein, Belgique-Italie. On aurait pu la gagner. Bon, on est passé à côté, mais on aurait pu. Retour sur ces analyses tout à l'heure, donc dès 20h sur Vivacité. Et puis, retour sur cette journée aussi qui démarre. On est déjà en plein dedans, il y a déjà eu le premier match cet après-midi. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Il y a Lise Burion qui me regarde en disant mais qu'est-ce que t'en racontes des conneries. Il y a pas de match cet après-midi. Pas de match cet après-midi. Ça arrive. Mais c'est vrai qu'on prend un rythme. Ouais, mais et on change le planning pouf, aussi. Y en a, voilà. Ouais, aujourd'hui, il n'y en a que deux. Il y a des changements, on ne nous prévient pas. 18h et 21h. Alors justement, Lise, vous êtes là pour la petite gazette de l'Euro. Et on fait le tour des infos insolites. Un peu d'histoire aussi pour commencer aujourd'hui. Oui, avec justement ce match de 18h, Autriche-Hongrie. On a un peu l'impression d'ouvrir un cours d'histoire. C'est vrai. On se souvient, on repart deux siècles en arrière du temps de la splendeur austro-hongroise. Moi, ça me fait penser à l'empereur François-Joseph. Vous savez, le mari de Sissi. Tout à fait. Sissi, on a tous vu. Sissi, bien sûr. Hein. Qui donc régnait sur l'Autriche-Hongrie fin du 19e, début du 20e. Bah, figurez-vous que François-Joseph, il a pu assister, et Sissi aussi, au premier match entre les deux équipes. Parce que ça remonte à 1902, les premiers matchs entre Autriche-Hongrie. Ce sont les deux pays européens qui se sont le plus affrontés dans l'histoire du foot. Il y a l'Argentine et l'Uruguay du côté de l'Amérique du Sud. 191 rencontres entre l'Argentine et l'Uruguay. Mais entre l'Autriche et la Hongrie, 136 affrontements quand même jusqu'à présent pour ces deux nations. Autriche contre Hongrie, donc clap 137e ce soir. Alors Cyril, à votre avis, qui a le plus souvent gagné? Je dirais l'Autriche. Perdu. J'avais une chance sur deux. C'était une chance sur deux. C'est la Hongrie. 66 victoires, 40 victoires pour l'Autriche et donc 20 partages. La Hongrie, on le rappelle, elle a quand même pu compter sur Ferenc Puskás dans les années 50. Tout grand joueur. La Hongrie était finaliste de deux Coupes du Monde. La dernière en 54, une finale perdue contre l'Allemagne de l'Ouest. À l'époque, Puskás y donne encore son nom au prix du plus beau but de l'année remis par la FIFA. C'est vous dire quand même que ce pays, la Hongrie, a eu un impact dans l'histoire du foot. Depuis, ça s'est un petit peu inversé. L'Autriche a pris les devants ces dernières années. L'Autriche est favorite ce soir avec notamment sa star, David Alaba, qui joue au Bayern Munich. L'Autriche n'a perdu aucun match en qualif dans son groupe où il y avait la Russie et la Suède notamment, donc c'est pas mal. Alors que la Hongrie, elle retrouve l'euro. C'est une première depuis 44 ans, donc c'est dire l'attente dans le pays. Mais ils sont pas là par hasard quand même, les Hongrois. Non, bien sûr. Aucun pays n'est là par hasard. Ils sont passés par les barrages. Tout de même, ils ont battu la Norvège, les Hongrois. Donc on va voir un petit peu. Pour beaucoup, c'est le petit pousset de cet euro. On va voir si sur le terrain ça se passe bien pour eux ou pas. Mais en tout cas, il y a sur le terrain dans cette équipe hongroise un joueur qui va attirer tous les regards. C'est sûr, je peux déjà vous le dire. Alors c'est le plus âgé des joueurs dans cet euro. Ouais. Même le plus âgé, toute génération confondue, parce qu'il dépasse Lothar Matthäus, l'Allemand, qui avait joué l'Euro 2000, son dernier match à 39 ans, 91 jours. Ici, on a le gardien donc, de la Hongrie qui s'appelle Gábor Királyi. Il a passé la barre des 40 ans. 40 ans, 75 jours. Sa première phase finale fatalement, puisque la dernière c'était il y a 44 ans. Il n'était pas né il y a 44 ans. Mais donc il sera sur le terrain, Gábor Királyi, sans une sélection, un vrai héros national. Il avait commencé en 98, contre qui? Je vous le donne en mille, l'Autriche. Comme quoi, le petit clin d'œil de l'histoire, sont deux pays qui se croisent souvent. Effectivement, il avait même arrêté un pénalty lors de ce premier match contre l'Autriche, l'ami Királyi. Carrière principalement en Hongrie, en Allemagne, en Angleterre. Mais alors, pourquoi je vous en parle? Ok, parce que ça sera le plus vieux, mais aussi parce qu'il joue en training. Ou en pyjama, c'est comme vous voulez. C'est particulier ça. Hein, c'est un gros pantalon, on peut dire, vous savez, vraiment en matière sweatshirt, comme ça, gris, foncé, chiné. Trop large pour lui. C'est merveilleux, c'est très joli. On connaît les footballeurs qui sont très très attentifs à leur look. Parfois c'est particulier quand mais même. Il y a une polémique d'ailleurs en Turquie, petite parenthèse, avec un joueur qui s'est recoiffé sur la phase qui amène le but adverse de la Croatie ce week-end. Donc du côté des médias turcs, ça balance, ça casse. Ça. Ah non, ça ne plaît pas parce qu'on le voit vraiment, on a des zooms sur lui. Au lieu d'aller empêcher le Modric de tirer, donc le joueur croate, il se recoiffe. C'est important. Donc voilà, c'est important ici, pour les gros plans. Le gardien Királyi, rien à faire de la mode, vieux il training. Joue donc en vieux training. Et pourquoi il fait ça? Il y a beaucoup d'explications légendes urbaines, mais version officielle que le gardien donne lui-même, c'est qu'à une époque où il jouait donc en Hongrie, le club de Haladas, où il rejoue maintenant, il y avait deux entraînements par jour dans ce club. Il avait complètement... il avait salopé son pantalon. Ouais. Et donc, il n'y avait plus de matériel disponible, plus d'autres vêtements disponibles au club. Donc, il a fouillé son sac. Il y avait un vieux pantalon de training dans son sac. Pas le choix. Il n'allait pas jouer en caleçon non plus. Donc, il a pris ce vieux pantalon. Ça aurait pu. Il a pris ce vieux pantalon. Il s'est senti bien dedans. Donc, il a décidé de le garder pour l'entraînement d'après-midi, pour le match du week-end, parce que ça se passait bien. Et ils n'ont pas perdu pendant 8 matchs avec ce vieux pantalon. Donc, il l'a gardé et il l'a toujours, apparemment. Il le pend dans son vestiaire. Et c'est le même de l'époque, le vieux truc. Non, alors, Alors maintenant, il joue avec d'autres, mais l'original de l'époque, il l'a gardé. Okay. Mais donc, il le possède encore. Il est superstitieux, le Kirali, donc le gardien hongrois. Alors, ce pantalon, c'est devenu sa marque de fabrique, sa marque tout court, parce qu'on commercialise ce pantalon de training qui fait très pyjama, finalement, et qui est très populaire, apparemment, auprès des jeunes gardiens hongrois. Après, on se demande pourquoi ils n'ont plus fait de Coupe d'Europe depuis 20 ans, depuis 44 ans, mais bon. Voilà, apparemment, ça ne perce pas trop ailleurs, mais ça viendra peut-être après ce match-ci. Bah, on verra, on regardera à quoi il ressemble tout à l'heure à 18h à la télé. Fameux personnage quand même, ce gardien, il est superstitieux donc à ce point-là. Très superstitieux sur son pantalon, mais c'est pas fini. Hein. Il monte toujours en premier dans le bus de l'équipe, il met toujours apparemment son protège-tibia gauche en premier, il enlève toujours son protège-tibia comme gauche. Comme Zidane, d'abord gauche. D'abord, voilà, voilà. Et puis avant chaque rencontre, pour Kirali, un même morceau dans les oreilles. It's my life. Oh. Voilà. C'est ça qui le motive avant de monter. Mais oui. On ne se moque pas. Bon Jovi, c'est sympa. Bon Jovi, c'est sympa, c'est sympa. On pourrait mettre quelque chose d'un peu plus... Bah, c'est pas récent, mais c'est sympa. Non, mais il a 40 balais. Oui, ça c'est vrai. Et voilà, mais désolé les fans de Bon Jovi. À 40 ans, on n'a pas le droit d'écouter de la musique actuelle. C'était mon adolescence, voilà, je n'ai pas 40 ans. Donc. Gábor Kirali, donc une des attractions de ce match Autriche-Hongrie ce soir. Alors apparemment, il est aussi coutumier des sauvetages miracles. Alterner avec des grosses bourdes. Donc, oui, parce que s'ils ne sont pas là depuis 44 ans, il en est un peu responsable quand même. Voilà, mais il fait le spectacle avec son pantalon et avec parfois vraiment des clowneries, des ballons faciles. Il se roule par terre pour les attraper. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il va oser, parce que bon, voilà, l'Euro, c'est quand même un autre impact médiatique, mais ça risque d'être sympathique. Et moi, j'ai hâte de le voir contre Ronaldo dans le prochain match, troisième match de la Hongrie face au Portugal dans cet Euro. Ça peut être une belle opposition de style. Eh ben on suivra ça. De toute façon, vous venez nous tenir au courant du début du match déjà dans le journal des sports tout à l'heure. À tout à l'heure, Lise. Il est 17h45. 5 à 7. Alors, on va parler d'un article que vous avez peut-être vu sur rtbf.be et qui nous parle d'un outil révolutionnaire. C'est comme ça que c'est vendu, un outil révolutionnaire pour redonner de la voix. Ça a été testé au CHU Montgodine et l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui est sur une tablette ou sur un smartphone et qui permet aux patients qui ont été opérés du larynx ou des cordes vocales, les cordes vocales sont dans le larynx, de parler à nouveau. Puisqu'après cette opération, c'est compliqué. Il y a une période où d'office, on ne peut pas parler. Et puis après, il y a des implants phonatoires qui parfois peuvent être mises en place et tout le monde ne peut pas le faire et à ce moment-là, y a une période où c'est compliqué de parler. On va s'y intéresser tout de suite avec Myriam Reichard. Vous êtes logopède et une des initiatrices du projet avec le CRED de Namur et l'équipe de logopédie du centre d'audiophonologie du CHU UCL Namur Montgodine. Bonsoir Myriam. Bonsoir monsieur. Vous avez vraiment un parchemin comme carte de visite, dites donc, c'est long hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interventions aujourd'hui quand même, oui c'est très sympa. Et alors ce projet en fait on y pense depuis une bonne année déjà, en collaboration donc avec le Cyberterrasse, donc les bénévoles du CHU de Montgodine et également le CRET qui est donc un centre de recherche de la technologie adaptée à la personne handicapée. Et puis voilà, ils ont eu envie de mettre en place un projet et on a sauté sur l'occasion qui nous était donnée de proposer à nos patients qui sont donc devenus mutiques, hein, comme vous l'avez bien expliqué, après l'intervention qu'ils ont subie, donc cette laryngectomie totale où tout le larynx a été enlevé. Et le larynx, c'est vrai qu'il comporte entre autres les cordes vocales qui nous font tous parler. Et donc avant, c'était compliqué de s'exprimer juste après ces interventions. Donc, comment on faisait? Mais c'était en fait compliqué parce qu'il fallait employer un papier, un crayon ou un bic, peu importe. Il fallait d'abord avoir une écriture lisible par une tierce personne. Et puis les personnes, quand bien même elles pouvaient bien écrire, elles ne savaient pas sonoriser leurs écrits. Donc le projet innovant ici, c'est de mettre à disposition du patient une tablette sur laquelle on a mis un logiciel de communication. Un logiciel ou deux logiciels, ça dépend un petit peu le genre de patient auquel on a affaire. Et donc là, ils se retrouvent face à cette tablette et ils peuvent communiquer de plusieurs façons, soit avec des phrases qu'ils tapent eux-mêmes sur cette application et l'application les lit, soit avec des petits pictogrammes, vous m'arrêtez quand je dis des bêtises, ils cliquent dessus. Et alors, par exemple, je l'ai ici devant moi, cette application. Oui. Donc, on clique sur, par exemple, à table, si c'est l'heure d'aller à table, et on peut simplement, en cliquant sur l'icône, j'ai faim, entendre ceci. Voilà. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a d'autres icônes aussi qui sont même froid. Plus rapides encore, du style oui ou non. C'est vraiment très facile d'emploi. Ah ouais. Et alors, il y a moyen également d'un peu personnaliser la tablette, parce que là, vous faites appel à des icônes qui ont déjà une phrase préenregistrée selon que le patient tape sur l'une ou l'autre icône. Mais il peut également écrire des phrases et alors les sonoriser de la même façon en appuyant sur un petit sigle de sonorisation de l'icône, voilà, de la phrase qu'il a écrite. Par exemple, j'ai tapé un petit quelque chose. Oui. Voilà, c'est la tablette qui vous parle. Eh bien voilà, c'est merveilleux. Je vois que j'entends plutôt que vous avez une voix de femme pour me dire bonjour. Oui, je n'ai pas encore configuré. Voilà. C'est pas grave. Donc il y a des logiciels sur lesquels on peut également choisir la voix, une voix de garçon ou une voix de fille, une voix fluente, rapide ou une voix un peu plus lente. Et même, j'ai une patiente qui s'est amusée à écrire des phrases en wallon. Je ne sais pas si elle a vraiment eu un accent wallon, mais bon, c'est une manière assez ludique finalement de s'exprimer et ça en fait, ça soulage un petit peu cette pathologie qui est très lourde, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte que le patient, vous avez parlé d'un implant phonatoire, donc ça c'est dans le meilleur des cas, et c'est heureusement la plupart du temps le cas, donc ils peuvent bénéficier d'un petit implant qui va leur permettre de faire vibrer leur œsophage, donc il faut un peu s'imaginer, c'est un œsophage qui va vibrer sur base de la respiration qui sera déviée par de la trachée donc vers cet œsophage, et qui leur permettra de s'exprimer. Mais malheureusement, tous les patients, le temps de la cicatrisation finalement de ce site opératoire, sont de toute façon mutiques. Et puis parfois, il faut plus que 3 semaines avant que ça soit cicatrisé. Donc, ils se retrouvent parfois plusieurs mois sans aucun moyen de communication. Et donc là, c'est un vrai confort qui est ajouté pendant la convalescence. Exactement. D'autres services, d'autres hôpitaux vont vous rejoindre sur ce mouvement ? Oh, ben c'est ce que nous souhaitons, hein, parce que c'est quelque chose... Bon, c'est vrai, on a dû travailler pour le mettre en place, parce qu'il n'y a pas seulement le logiciel de communication. Ça, finalement, tout le monde, avec les références qu'on peut leur donner, des logiciels qui existent actuellement, qu'on peut télécharger, pas seulement sur un iPad, comme nous en avons ici à la clinique, mais sur un Samsung, sur un Android, peu importe. Donc, toute personne en difficulté de voix peut s'installer un logiciel de communication. Il y a le prédictable, bien sûr, sur l'iPad. Il y a aussi l'assistant parole, le Ma Voix 2, là, que vous avez testé chez vous en studio. Mais alors, l'avantage aussi de cette tablette, c'est qu'une fois qu'elle est mise à disposition du patient, il peut revenir sur des tas d'informations qui lui sont données via la tablette. Donc, il y a un volet d'informations. C'est un vrai accompagnement. Oui, tout à fait. Il y a des explications simples, faciles, que le patient peut comprendre. Il y a des témoignages d'autres patients qui lui montrent que la vie ne s'arrête pas après son intervention. Donc, ce sont des messages d'espoir. Et quand je vois les patients et la façon dont ils réagissent quand ils l'ont en main, ben, je crois que c'est gagné. Eh ben merci pour vos explications et pour ce projet. On espère que les autres hôpitaux suivront. Merci beaucoup Myriam, je vous souhaite merci une excellente soirée. C'est gentil à bientôt. À vous, merci, bonne soirée aussi, au revoir. Il est 17h50, dans un instant on saura qui est qualifié pour la finale de vendredi, qui partira avec son séjour au Québec. Mais juste avant, c'est une petite pause qui arrive et puis le cactus de Jérôme de Warzé avant 18h. Marc à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournable pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marcasuivre.be. Marc à suivre. Oh là là, Marc, t'as remarqué que ta voiture était complètement abîmée par la grêle ? Hein ? T'es sûr ? Oh oui, et j'ai eu le même problème. Mais heureusement, je suis allé à la carrosserie Piron. Ils m'ont fait un check-up gratuit. Et en plus, ils sont réparateurs grêle agréés par toutes les compagnies d'assurance. Tu devrais leur demander de jeter un œil. Ils sont dans le zoning des Plaines à Thémistère-Clermont et sur piron.be. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival Liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. Bonjour, pompe 8 s'il vous plaît. Ok, ça nous fait un casque, une veste de cycliste et aussi un vélo trek. Waouh, c'est génial! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à condition. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Voir Thibaut plonger sur un grand écran ? Chez Vandenborre, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborre. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Avec le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive dans un instant sur Vivacité. Tous les soirs, on revient sur ce que vous avez peut-être manqué dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe. Et puis cet après-midi, je vous parle de ce nouveau centre, ce nouveau refuge à Pérouet. 2 500 000 euros. Vous en avez débattu ce matin avec Benjamin Maréchal dans C'est vous qui le dites. C'est du luxe pour les animaux. Ces animaux le méritent, probablement ou pas. Ça vous est fait votre avis ce matin. Mais est-ce que vous, avec vos animaux, vous avez des petites touches de luxe de temps en temps? Est-ce que vous leur faites des petits plaisirs? On va en parler avec Karine de Liège. Bonsoir Karine. Bonsoir Chris, bonsoir. Bienvenue Karine, comment ça va? C'est gentil, ça va très bien, merci. Vous êtes de Liège, oui. Et à Liège, est-ce que vous avez une petite touche de luxe pour votre animal? Vous avez quoi déjà comme animal? Oui, bien sûr, j'ai un petit chat de 8 ans et elle s'appelle Bubble. Bubble, et c'est mignon. Oui, ben voilà, je l'adore et effectivement, c'est sûr que voilà, c'est, je dirais, ça fait partie de la famille et c'est vrai qu'on y tient, nos animaux, on les adore parce que voilà, c'est, ils nous donnent tellement en retour en fait et voilà, donc on peut pas, c'est pas possible de ne pas leur donner des petites douceurs de temps en temps. Et c'est quoi la vôtre? Ben, la mienne, c'est chaque fois que je me fais à manger, que ce soit par exemple du thon. Là, le miaule, évidemment, le thon, hein, les chats adorent. Mais je sais que c'est un peu trop salé pour elle. Donc, je sais qu'il faut quand même faire gaffe. Mais évidemment, quand je me fais du thon, ça, c'est systématique. Elle en a toujours un petit peu. Ouais, ouais. Voilà. Et ça peut être ça. Ça peut être un morceau de fromage. Ça peut être... Si je me fais... Elle adore le filet de poulet, étrangement. Et pourtant, c'est bizarre parce que moi, j'adore faire des sandwichs au filet de poulet. Et depuis toujours, elle a adoré ça aussi. C'est assez bizarre qu'on est un peu en symbiose. Et alors, elle a son petit morceau de filet de poulet aussi, de temps en temps. Mais c'est sympa, donc, voilà. Ça. Mais oui, c'est sympa. Et Bubble voilà. A de la non. Chance. Mais bah oui, mais moi j'ai de la chance de l'avoir aussi, parce que voilà, elle est adorable. Ah bah vous êtes chanceuse, vous êtes trouvée, ça tombe bien. Mais voilà. Mais Karine, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée avec Bubble. Et alors. Un grand bisou, Cyril, un grand merci. À bientôt. Et bravo à toute l'équipe. Au revoir, au revoir merci, Karine. Au revoir. Voici tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé. Une soirée cauchemardesque hier pour les Diables à Lyon. Oui, ben voilà, Kiki est avec nous. Grosse désillusion, très mauvaise entame de tournoi face aux Italiens. Comment vous sentez-vous, Kiki? Ah ben merveilleusement bien, hein. Là, j'ai l'impression de m'être assis toute la nuit sur la tour de Pise avec la basilique de Rome sur les épaules. Comme ce matin, mes déplacements sont un peu laboriers au niveau du coq suisse, c'est ça ce que je veux dire. C'est ça. Enfin bon, niveau des déplacements, c'est quand même toujours mieux que Kevin De Bruyne hier soir. Hein. Mais tout de même falloir que je trouve un coussin de la taille de l'Atomium pour que je puisse m'asseoir sans main. Oui, ça n'a pas été le meilleur match de Kevin De Bruyne. Hein. Ah, on peut même dire que ça a été son plus mauvais. Hein. À un moment, j'ai fait lui dire, Kevin, arrête, hein, mets un maillot bleu et joue en face, ça nous sera plus utile. Hein. Porca de misericordia di stronzo di orribile. Oui, c'est de l'italien, j'apprends toujours les bases de la langue de l'équipe qui nous humilie. Je ne te dis pas comment on va se marier contre les Suédois si c'est 0-2 dans les arrêts de jeu. Bon, maintenant, les Italiens ont quand même remarquablement géré le match. Hein. Ah mais ça, quand on joue avec les mains, c'est plus facile, évidemment. Hein. Dès le début, j'ai bien vu que ça n'allait pas. Hein. Le 5-3-2 entre en conflit avec le 4-4-3 initial du 3-4-2-1 qui s'est transformé en variant du 6-4-2. Ça déséquilibre notre défense, évidemment. Ah bon, vous êtes sûr de ce que vous dites, là? Mais quoi, je fais comme Wilmot, ça. J'énonce tous les schémas possibles et j'espère un jour tomber sur le bon. Bon pas sûr. Allez. Moi, j'aimerais quand même bien un jour assister à une théorie dans le vestiaire. Je l'entends d'ici moi, Willy. Écoute, si qu'on perdrait le ballon ou ce qu'il faut dézoner quand Tobi est sur sa ligne parce que Thomas est en récupération de balle, les défensifs doivent faire du jeu avec Raja, ce qui serait important d'alimenter Lukaku qui tire au flanc. Voilà, débrouille-toi avec ça, grand, joue dans une heure. Pourtant, Wilmot, il est parfait trilingue. Hein. Oui, mais le trio lesbien, bien un moment, que tu sois devant ou derrière, c'est toujours la barrière de la langue. Hein. Déjà, les francophones, rien que tu cites une trompe dans la ponctuation, ça donne un tout autre sens à la phrase. Bon. C'est vrai, si tu dis allons manger, virgule, grand mamie, t'as compris le sens, mais si t'enlèves la virgule, ça fait allons manger grand mamie. Passe du grammatical correct au cannibale dégueulasse. Alors les flamands qui à la base sont déjà limités syntaxiquement, ouais. Voire limités tout court, oui, ça tu va... perds des gens. Ouais, hein. Donc vous pensez que c'est un problème de communication, vous? Non, je pense que c'est un problème lié à la longueur des shorts. Mais évidemment, pour eux, c'est un problème de communication. Hein. Je crois que personne ne voit où il y veut en venir, mais personne ne move parce que tout le monde en a peur. Ah bon, c'est la même chose au CDH avec Milkey, ils ont réglé le problème, ils lui ont collé un procès sur le dos. On n'a qu'à dire qu'il y a des emplois fictifs à la FED, c'est réglé. Oui, mais... Ah mais il y a des emplois fictifs. C'est légal en plus. Oui, la tactique aurait été mal comprise alors. Et voilà, les Italiens nous ont transpercé notre défense aussi facilement que Sifredi dans de la panna cotta. Porca di misericordia di mamma. C'est l'italien. C'est l'italien. Écoutez, bon, c'est tout de même étonnant parce que chaque joueur a son rôle et connaît son poste. Hein.

policier, a affirmé Larossi à Bala, avant de couper tout contact avec le raid en menaçant de tout faire sauter. Pourtant, les policiers n'ont pas retrouvé d'explosifs, pas d'armes à feu non plus. Par contre, les enquêteurs ont retrouvé une liste de noms des policiers, des journalistes, des rappeurs, des cibles potentielles. Alors Simon, le procureur de Paris a confirmé que le tueur abattu était sur écoute. Oui, depuis 4 mois, mais dans les conversations, rien ne permettait d'imaginer ce qui allait se produire. Puis on apprend que le tueur a été condamné à 3 ans de prison en 2013 dans le cadre d'une filière terroriste vers le Pakistan. Mais il a été relâché juste après le procès car il avait déjà passé 2 ans et demi en préventif. Merci Simon. François Hollande demande dans cette affaire que des moyens supplémentaires puissent être déployés pour lutter contre le terrorisme. Un cap dans l'horreur a été franchi, déclare Manuel Valls, le Premier ministre français, devant l'Assemblée nationale. Les policiers sont des cibles en France et en Belgique, on le sait depuis les attentats des jouets de Verviers. Et pourtant, ils ne bénéficient pas d'une protection plus spéciale, même s'ils traitent des dossiers très sensibles de terrorisme ou de grand banditisme. Et c'est ce que nous explique Radia Sadani. Le projet d'attentat des jouets à Verviers l'an dernier visait la police et les commissariats. Aujourd'hui, si le pays est placé sous niveau 3 de la menace terroriste, les policiers, eux, se cantonnent au niveau 2. Un non-sens pour les syndicats, car les policiers, même les agents antiterroristes, bénéficient rarement d'une protection ad hoc. Vincent Gilles, du SLFP. Il faut que les collègues soient l'objet de menaces tangibles, démontrées et évaluées par le CAM dans un premier temps et par le centre de crise du ministère de l'Intérieur dans un second temps. Centre de crise qui établit des mesures à prendre et ça peut aller du simple passage d'une patrouille au domicile jusqu'au changement momentané d'identité. Il est aussi très rare qu'ils puissent emporter leur arme de service, les conditions sont strictes. Et puis, il y a la question de l'anonymat qui n'est pas assuré dans les PV. Étant identifié dans le cadre de dossiers judiciaires X ou Y, les truands ou les terroristes usent de mesures de rétorsion à l'égard de leurs proches. On a déjà vécu des grenades lancées dans des domiciles, des collègues tabassés à la sortie d'un restaurant. C'est pour ça que nous voulons l'anonymat, d'une part des policiers victimes, d'autre part des policiers travaillant sur la grande criminalité et le terrorisme. Les policiers de plus en plus sollicités se sentent eux-mêmes sur le qui-vive, mais leurs revendications restent pour le moment lettre morte. À des explications signées Radia Sadani à la cour d'assises du Hainaut, Steve Becker, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Ali Akbar Choker, commis le 12 juillet 2014 à Carnion, sur fond de vente de voitures. La cour a retenu une circonstance atténuante, le mode de fonctionnement au sein du milieu familial, ce qui ne lui a pas permis d'avoir des repères adéquats pour vivre en société, dit donc la cour d'assises. Le géant français Total s'offre le liégeois Lampiris. Et un accord est trouvé. Pour s'acheter le petit belge, les Français vont débourser entre 150 et 200 millions d'euros. Lampiris a été créé en 2003 par deux hommes, dont Bruno Venanzi, le président du Standard. La société compte aujourd'hui 850 000 clients, troisième fournisseur d'énergie sur le marché résidentiel belge, derrière Engie Electrabel et EDF Luminus. Les contrats des clients ne vont pas changer et les emplois restent, assurent les deux entreprises. La grève n'est pas encore terminée à la prison de Mons. Les agents acceptent de reprendre le travail, mais ils posent leurs conditions concernant la sécurité et l'organisation, celles notamment des activités pour les détenus. Des propositions seront formulées prochainement à la direction de la prison. Et à Arlon, les agents pénitentiaires reprendront le travail. Mais lundi prochain, une reprise décidée à une très faible majorité. Vous avez sans doute encore ces images en tête. Des dizaines de centimètres d'eau dans les rues, dans les caves et des coulées de boue. Il y a une semaine, la Belgique était touchée par d'importantes inondations. La commune de Châtelet, près de Charleroi, fait partie des plus touchées. Alors 7 jours plus tard, comment vont les riverains sinistrés? Comment vivent-ils l'après-déluge avec les compagnies d'assurance par exemple? Écoutez, c'est un reportage signé Sarah Deveau. Il y avait de l'eau jusque-là, jusqu'à la barre ici de la table. Vous allez voir. Là, ça, c'est dans la maison, tout. Ouais. Voilà les dégâts. Sur ces photos, un petit torrent sort par la porte d'entrée. Salon et salle à manger sont sous eau jusqu'aux plinthes. La preuve des dommages subis la semaine passée par ces riverains de la rue des Trieux à Châtelet. Aujourd'hui, seuls quelques traces subsistent. Le papier peint se décolle par endroits. Les canapés et le bas des meubles sont toujours gorgés d'humidité. Le couple a aussi dû se séparer de certaines affaires bonnes à jeter. Il y avait un conteneur ou un truc comme ça? Oui, un camion qui passait régulièrement. Ils sont passés pendant 2-3 jours ici, ramasser tous les dégâts. dégâts. Mais après les opérations de nettoyage et d'évacuation pendant 2 jours, place à présent aux démarches d'indemnisation. On a pris contact avec la compagnie d'assurance, mais voilà, la compagnie a contacté un expert qui normalement doit nous contacter, qu'on n'a pas encore reçu de nouvelles. Difficile d'estimer combien ce couple va récupérer grâce à l'assurance. L'expert le déterminera avec eux sur base des photos notamment. Leur seul désir aujourd'hui, tourner la page. J'espère qu'on sera indemnisé le plus vite possible et qu'on reprenne une vie normale, quoi, comme on était avant. Voilà. Au moins avoir l'expert et savoir un petit peu où on en est, oui, c'est voilà. Tout. Voilà pour ce reportage, une semaine après. Enfin Cyril, est-ce que vous reconnaissez cette voix ? Tu es de plus en plus belle. Et tu chantes, Alf. Exact, Alf extraterrestre, hyper poilu, qui débarque chez les Tanner un jour. C'est une famille américaine. Il a accompagné l'enfance de toute une génération dans les années 80. Eh bien, l'acteur qui incarnait Alf, caché dans le déguisement, est décédé. Son nom, a priori, personne ne le connaissait. Mihaly Metzaros, il avait 76 ans, un homme taillé pour ce rôle. Il était vraiment tout petit. Il a été retrouvé mort chez lui en Californie. Et il est arrivé après le début de la série, d'ailleurs. Parce qu'au départ, Alf, on voyait que sa tête. Et puis, comme ça marchait bien, je pense que les producteurs, à la base, croyaient pas trop en Alf. Comme ça marchait bien après, ils ont rajouté quelqu'un à l'intérieur de Alf. Il a fallu le trouver quand même. C'était sympa, pas évident, le casting. Ouais. J'adorais Alf. Je vais me refaire la série au complet d'ailleurs. Il n'y a que 4 saisons, ça va vite. Merci Delphine. Il est 18h08. On part sur les routes juste avant le journal des sports. C'est avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir. Oui, bonsoir Cyril. Bonsoir à toutes et tous. Avec toujours des problèmes liés à ces deux accidents coup sur coup à Gosselies et à Fleurus sur le 42 Namur-Mons. Vous perdez encore 1h40 maintenant dans ces encombrements. Ça remonte jusqu'à la sortie speed, vous imaginez. Donc c'est assez long quand même. Il faut vraiment prendre son mal en passant. Déchets de pneus sur le 19 Mons-Bruxelles, à hauteur de Thieu en direction de Bruxelles. Objet encombrant sur un bloc de béton sur le 42 Namur-Mons, sur la bande de droite en direction de Mons. À hauteur de la Louvière, ça c'est plus important. Un accident sur le ring 3 de Charleroi, autour de la sortie Soleil-Mont en direction d'Épigny. Les véhicules sont en sécurité en bande d'arrêt d'urgence, mais il y a des débris sur la chaussée. Accident sur le 40 Bruxelles-Liège, à hauteur de Sterrebeek. La bande de gauche est neutralisée, file en direction de Liège. On signale un accident également sur le ring de Bruxelles en extérieur, à hauteur d'Ander. La bande du milieu est neutralisée vers Halle. Quant au ring de Bruxelles, eh bien 28 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, 20 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 16 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem et plus 11 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Lise Burion et Lise, on s'en remet tout doucement, les Diables aussi. Moins de 24 heures après leur défaite contre l'Italie, ils sont de retour sur le terrain. Et oui, de retour à Bordeaux, en pleine nuit. Les joueurs ont eu une journée plutôt calme. Aujourd'hui, entraînement programmé à 16h. Thierry Luters, vous êtes nos yeux, nos oreilles au Hayan, le centre d'entraînement des Diables. Alors, dites-nous, quelle est l'ambiance sur place aujourd'hui ? Oui, bonsoir Lise. Eh bien, l'entraînement s'est terminé depuis une petite demi-heure maintenant, mais il n'a concerné que les réservistes, c'est-à-dire donc 12 joueurs, ceux qui n'ont pas quitté le banc hier et ceux qui sont montés en cours de match. Ils se sont entraînés pendant 1h30, on ne va pas dire que c'était un entraînement intensif, tant s'en faut. L'ambiance, évidemment, n'était pas super souriante, n'était pas non plus à l'abattement. Et quant aux titulaires, eux, ils ont eu une journée quand même de repos, avec aussi des soins pour quelques petits bobos et une promenade à vélo dans leur belle région du Médoc autour de leur hôtel. Promenade qui devrait toujours être en cours à l'heure actuelle. Vous l'avez dit, les Diables sont rentrés nuitamment, comme nous d'ailleurs, après un vol entre Lyon et Bordeaux. Ils sont arrivés à leur hôtel à 4h du matin. Marc Wilmots va tenir dans quelques instants une conférence de presse très attendue, évidemment. Il s'attend lui aussi à être attaqué de toutes parts, puisqu'on a vu que les commentaires, surtout dans le nord du pays, mais aussi à l'étranger, en France ou en Italie, étaient extrêmement sévères à l'encontre du coach national qui a perdu, ou qui aurait perdu, hein, c'est selon le point de vue, une véritable bataille tactique face à Antonio Conte, son homologue italien. Les Belges ont maintenant 3 jours pour se remettre dans le bain, puisque vous le savez, samedi à 15h à Bordeaux, quasiment dans leur jardin, dans le nouveau stade bordelais, ce sera déjà le deuxième match de ce groupe E face à l'Irlande, et ce match-là, il ne faudra pas le louper, bien évidemment. Merci Thierry. Effectivement, on attend avec impatience la conférence de presse de Marc Wilmots. Vous nous tenez au courant. Bien entendu, on entendra le sélectionneur dans nos rendez-vous d'information en soirée sur Vivacité. Les joueurs, ils ont aussi un petit peu communiqué sur les réseaux sociaux cet après-midi. Courtois Vertonghen, notamment, déçu du résultat, mais prêt à tout donner pour faire mieux contre l'Irlande. On n'en attend pas moins d'eux. Et des joueurs comme Carrasco aussi, par exemple, qui remercient le public pour son soutien. La RTBF vous remercie aussi. Vous étiez 1 675 518 spectateurs hier devant la une pour le match, pour ce match Belgique-Italie. C'est la meilleure audience en termes de téléspectateurs depuis le début des calculs d'audimétrie en 1997. En Flandre aussi, record pour la chaîne N. Au total, près de 4 millions de personnes ont regardé le match dans notre pays. Plus de 3 téléspectateurs sur 4 dans le sud du pays, presque 4 sur 5 dans le nord. Et on n'en doute pas que vous étiez aussi très très nombreux à nous écouter. Merci à vous. L'Euro sur la RTBF, ça continue. Les dernières équipes entrent en lice aujourd'hui. Et oui, les 4 pays qu'on n'a pas encore vu jouer dans cet Euro, l'Autriche contre la Hongrie depuis 18h, ça se joue à Bordeaux justement, hein, là aussi, où les Diables joueront aussi samedi. C'est toujours 0-0 entre ces deux nations pour l'instant, après 11 minutes de jeu. Et puis la dernière star encore attendue par les fans va entrer en lice ce soir, c'est Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Ce sera contre l'Islande à 21h. Ronaldo, c'est un petit peu le couteau suisse de la sélection, star sur et en dehors du terrain. Exemple, locomotive pour tout un pays, pièce maîtresse dans le jeu du sélectionneur portugais Fernando Santos. Bien sûr, Cristiano est un joueur décisif, tant pour son club que pour son équipe nationale. C'est quelqu'un dont l'objectif principal est de gagner et d'être au top. Et bien sûr, quand vous avez quelqu'un comme ça, tous les joueurs autour de lui le sentent et essayent d'avoir la même mentalité. Et face à la machine à marquer portugaise, quelques valeureux vikings islandais. Donc attention, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a de la qualité dans cette équipe et des fans aussi pour soutenir l'Islande. Sur la durée de l'Euro, près de 30 000 Islandais vont se rendre en France, soit un Islandais sur 10. Et oui, David Oudrey, Pascal Chimé, en ont rencontré quelques-uns à Saint-Etienne. Hello! Where are you from? Island! Yeah! I'm from Island! C'est la première fois que notre équipe participe à un grand tournoi et ça nous rassemble vraiment derrière la nation. Le football en Islande a une énorme importance et puis c'est une bonne raison pour venir visiter la France, c'est magnifique. Portugal-Islande, c'est à 21h à Saint-Etienne. Alors eux, ils n'étaient pas spécialement venus pour visiter, les supporters russes ont montré leur plus triste visage. Oui, les affrontements à Marseille ce week-end, vous le savez, du coup la Russie pourrait être exclue du tournoi. On n'y est pas encore, bien sûr, mais les Russes n'ont plus le droit à l'erreur. L'UEFA a sanctionné la Russie de 150 000 euros d'amende et d'une suspension avec sursis après les violences des supporters russes au stade Vélodrome de Marseille en marge de la rencontre face à l'Angleterre. En cas de nouvel incident du genre dans un stade, l'équipe russe devra quitter cet euro. L'UEFA gère les débordements dans les enceintes sportives et sanctionne donc par exemple l'utilisation de fumigènes par les Russes, leur comportement raciste et les charges contre les supporters anglais. Tout ce qui se passe ailleurs, en ville ou en fan zone, relève des autorités françaises qui ont d'ailleurs placé quelques supporters russes en centre de rétention. Toujours en foot, c'est officiel. Le Standard compte un nouveau joueur depuis aujourd'hui. Il s'appelle Biramé Touré, il débarque de Nantes. Ce médian de 24 ans a été sélectionné 8 fois en équipe nationale du Mali. Il a signé un contrat de 4 ans au Standard, le club qui reprend les entraînements demain et qui disputera un premier match de préparation le 23 juin à Thiers. Et puis à l'étranger, confirmation, le néerlandais Ronald Koeman est le nouvel entraîneur d'Everton, actuel club de Romelu Lukaku et Kevin Miralas. Koeman libéré à contre-cœur de sa dernière année de contrat par son club de Southampton, 6e de Première Ligue cette saison grâce à lui. Le néerlandais de 53 ans a reçu des garanties de l'actionnaire majoritaire d'Everton. Il lui a promis de dépenser plus de 125 millions d'euros pour le recrutement. En tennis, Kirsten Flipkens vient de battre la gagnante de Roland-Garros. Changement de surface, oui, pour Garbiñe Muguruza, l'Espagnole titrée à Paris. Elle est aussi numéro 2 mondiale et elle a donc été battue par Kirsten Flipkens, 61e à la WTA. C'était au tournoi sur gazon de Majorque cet après-midi, 6-3, 6-4 en 1h12. Muguruza Muguruza, finaliste aussi de Wimbledon l'an dernier, donc elle n'est pas maladroite sur herbe. Et les Belges réussissent décidément plutôt bien contre les gagnantes de Roland-Garros, puisque la jeune Elise Mertens a écarté, elle, Francesca Schiavone, 6-1, 3-6, 6-1, toujours dans ce tournoi de Majorque. Elle enchaîne les performances, Mertens, 8 victoires en 9 matchs sur gazon cette saison. Prochaine adversaire pour elle, la Serbe Jankovic. En cyclisme, le Tour de Wallonie 2016 a été officiellement présenté aujourd'hui et il ira de Charleroi à Dizon. Départ le 23 juillet à Charleroi. La Wallonie sera traversée d'est en ouest avec des parcours d'étapes un peu plus longs. Les puncheurs apprécieront d'ailleurs le parcours de cette édition. Le peloton sera plus étoffé. Des arrivées nouvelles aussi à Mété, au Reux, à Vielsalm, à Herstal et à Dizon. Donc des arrivées chaque fois sur circuit local. C'est une volonté des organisateurs. Ils sont très attentifs aussi, on s'en doute, à la sécurité vu les tragiques accidents de cette saison. L'administrateur délégué de ce Tour de Wallonie, Christophe Brandt. Il n'y a pas que nous qui sommes attentifs à ça. Je crois qu'on a eu pas mal de réunions ici sur les dernières semaines avec les organisateurs, les coureurs, les instances sportives. Je crois qu'il y a une volonté de toutes parts d'améliorer les choses. Je ne crois pas que tout était mauvais, je ne crois pas que tout était acheté. Maintenant, il y a certainement certains points à améliorer. Et c'est clair que, par exemple, placer un régulateur, bon, c'est un petit peu technique, mais placer un régulateur à la fin du peloton qui décide quand on peut passer, et surtout que ce régulateur puisse bien connaître le parcours, qu'il sache que quand il donne l'autorisation à des motos ou à des voitures de passer, qu'il n'y a pas de danger parce que le parcours ne va pas être sinueux après ou qu'il n'y a pas une descente dangereuse. Je crois que ça, c'est essentiel. Mais ça fait partie d'une certaine professionnalisation de notre sport. Et jusque-là, ben, on n'a peut-être pas été assez attentif à ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des routes, des aménagements de routiers, tout ça. Donc je crois que maintenant, il est plus que nécessaire que nous, organisateurs, on fasse certainement des efforts. Mais je crois que c'est aussi à la Fédération internationale à poser des conditions plus strictes et plus drastiques. Interview Christophe Reculet, le Tour de Wallonie avec aussi un nouveau maillot distribué, maillot vert du classement de la régularité comme sur le Tour de France. Autre tour aussi en cours pour l'instant, c'est le Tour de Suisse, quatrième étape aujourd'hui, doublé de l'équipe Ethics Quickstep dans cette quatrième étape. L'Argentin Riquez a gagné au sprint devant son équipier colombien Fernando Gaviria et devant Peter Sagan, le champion du monde, troisième, qui conserve aussi le maillot jaune de leader sur ce Tour de Suisse, Cyril. Merci beaucoup Lise. La rédaction des sports et François Zaleski reviennent à tout moment pour nous parler de ce match Autriche-Hongrie qui est en train de se dérouler 0-0 à 17 minutes de jeu et qui va gagner d'après vous? Je ne sais pas, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup lever les yeux pour regarder le gardien pyjama dont on parlait tout à l'heure. On en a parlé déjà tout à l'heure dans l'émission. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est le gardien de la Hongrie, le joueur le plus âgé de la compétition. Il a passé les 40 ans. Et c'est pour ça qu'il joue en pyjama, parce qu'il est pressé d'entrer pour dormir après. Ça n'a rien à voir, mais il a effectivement un look particulier avec un pantalon de training pyjama gris du plus bel effet. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes de ce match au plus tard à la mi-temps. Il est 18h19. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, dans ce 5 à 7, on va parler d'alcool et cette info. Trop de Belges ont une consommation d'alcool problématique. C'est une étude qui le dit. Il y a des pistes qui sont évoquées pour régler ce problème. Entre autres, augmenter le tarif de l'alcool. Est-ce que ça peut avoir une incidence positive? On verra ça dans un instant sur Vivacité. Le Dico Food avec ton discoteur qui arrive et puis un invité aussi. J'irai faire battre ton cœur à ton même destin. J'irai faire battre ton cœur. Bézac Arthur va faire battre le cœur, mais il va aussi faire le tour du monde pour aller chercher ce qu'il y a de mieux au niveau musical dans le monde entier. Il nous parlera de ce projet pour lequel il a besoin de vous. Ce sera tout à l'heure dans le 5 à 7. Qui va repartir avec son séjour au Québec? On le saura vendredi dans le 5 à 7 entre 17h et 19h. Mais avant ça, on va savoir déjà qui repart avec un premier cadeau, qui repart avec le panier garni aux couleurs du Québec. C'est qui est avec moi au téléphone? Allô, bonsoir, Mehdi. Mehdi. Bonsoir, Mehdi. Allô? Vous Bonsoir. Êtes là? Ah, j'ai eu peur que vous soyez déjà parti au Canada, parce que c'est pas tout de non, suite. Non, pas encore. Vous êtes de quelle région? J'habite la région de Courcelles. D'accord, et vous irez peut-être au Canada. La première étape, c'est d'être qualifié pour la finale de vendredi. Et pour ça, il faut me dire ce qu'est une quétaine. Enfin, c'est quétaine, l'expression québécoise. Ça veut dire quoi en français? Est-ce que vous avez une idée? Oui, en fait, c'est un adjectif qui veut dire quelque chose qui est laid ou de mauvais goût. On verrait une fille. Dire de quelqu'un ou quelque chose qu'il est quétaine, c'est dire qu'il est démodé. De mauvais goût, laid, affreux même. Eh ben voilà, vous avez une bonne réponse. Ça veut dire que là, dans l'immédiat, vous repartez avec un panier garni avec plein de produits. Vous savez qu'au Québec, la spécialité, c'est le sirop d'érable. Donc, c'est plein de produits au sirop d'érable et c'est offert par Maple Abroad. Et puis, peut-être que vendredi, je vous appelle pour repartir avec le séjour carrément d'une semaine pour deux personnes. Je vous souhaite bonne chance. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée, Maggie. À bientôt. Oui, bonne soirée. Au revoir. Il est 18h21. 5 à 7. Si vous n'avez pas gagné, rassurez-vous, on remet ça demain. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, il y a cette info, cette étude qui nous dit que trop de Belges ont une consommation d'alcool problématique. Des gens auraient tendance à sous-estimer le fait que, oui, boire un petit verre de temps en temps, tous les jours, trop souvent, ça peut être un problème. Alors plusieurs pistes qui sont évoquées par des spécialistes. Restreindre la vente, on a déjà dit que ce serait compliqué à appliquer. Augmenter les prix, peut-être que c'est une piste. On va en parler avec Yves Collette, vous êtes administrateur d'Horeca Wallonie. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu cette info, trop de monde qui boirait de l'alcool, en tout cas qui ne se rendrait pas compte qu'un problème avec l'alcool est possible. Vous êtes confronté à ça, vous, en tant qu'administrateur d'Horeca Wallonie, vous avez des adhérents qui vous disent « chez moi, on boit trop ». En tout cas, dans notre secteur, de moins en moins, on a de moins en moins de gens qui consomment des alcools forts. Ils consomment régulièrement, de plus en plus, de la pils, du vin et des softs. Maintenant, ce que je sais par mes relations, c'est que ils achètent dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés, ils boivent chez eux. Donc par rapport à ça, l'Horeca est vigilant, bien sûr, de servir le consommateur de manière responsable, avec différentes actions qu'on a menées. Maintenant, c'est clair, les gens, vu le contexte actuel, maintenant, pour réduire le consommateur d'alcool, qu'on donne un peu d'espoir aux gens, un peu plus de travail. Et probablement qu'ils auront moins envie de se pochetronner. Et vous pensez que l'augmentation du prix, c'est une piste ? C'est quelque chose qui serait intéressant ? Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une piste. D'ailleurs, on n'a qu'à voir pour le moment les promotions qu'il y a dans certains grands magasins sur les bières, sur les alcools. Mmh. Maintenant, les gens, une fois qu'on va encore augmenter, ils vont se rabattre sur des produits low cost, des produits de moins bonne qualité. Ça va encore agir plus sur leur santé. Donc, je vois pas cet intérêt-là. Donc, c'est peut-être mieux de consommer des choses un peu plus chères et de bonne qualité et de boire de manière responsable. Mais je dis, à un moment donné, il y a un climat qui est celui qu'on vit pour le moment. Et les gens, ils consomment pour se donner du courage ou pour oublier leurs problèmes. Et voilà, c'est un peu la situation, à mon avis, actuelle. À propos de ce que vous dites. Dans l'Horeca, on ne pousse pas du tout à la surconsommation d'alcool. De toute façon, avec tous les nombreux contrôles qui sont annoncés ou non, les prix qui sont quand même maintenant avec l'augmentation d'accises sur tous les alcools, donc on a dû répercuter très légèrement dans nos établissements, c'est clair que la situation est compliquée. Et justement, à ce propos, l'augmentation des accises, c'était au 1er novembre 2015. Alors, ça a augmenté, il y a eu un impact direct, c'est-à-dire que juste avant cette augmentation, les magasins ont été dévalisés. Et puis depuis, il y a une diminution de la vente des alcools forts, puisqu'il y a eu une augmentation du prix. Et depuis le début de l'année, c'est une baisse de 15% des ventes sur le marché global. Donc peut-être que l'augmentation fait effectivement changer les consommateurs qui partent de l'alcool fort vers l'alcool plus léger, mais comme vous le dites, sans doute de moins bonne qualité. Merci Yves Collette pour votre éclairage sur cette histoire. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est l'heure tout de suite. Bonne soirée aussi. À bientôt. Bonne soirée. Il est l'heure tout de suite de retrouver le Dico Food avec Candice Cotter. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Bonsoir Candice. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre L. On va travailler la lentille. Une fois n'est pas coutume, la légumineuse c'est plein de nutriments et la lentille c'est la légumineuse la plus facile pour une raison, c'est qu'elle ne nécessite pas de pré-trempage. Alors attention, maintenant toutes les légumineuses existent en conserve et elles sont déjà cuites. En gros, vous n'avez qu'à rincer et mettre dans votre préparation et c'est très bien. Et quand on fait un chili con carne, on s'ajoute sa boîte de haricots rouges et on chipote pas plus que ça, c'est très bien. Même chose, ses pois chiches pour son couscous, c'est parfait. Mais si vous avez envie d'avoir une salade dont la légumineuse est la base, vraiment le centre, l'ingrédient principal, ça vaut la peine d'avoir une légumineuse que vous allez cuire vous-même parce que

plus qu'un nom, une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. h 30, voici les titres de l'actualité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. L'actualité, c'est bien sûr les suites de cet acte terroriste hier soir dans les Yvelines, près de Paris. Un homme de 25 ans, Larossi Abala, a tué à coups de couteau un policier et sa compagne à leur domicile. Il se revendique du groupe terroriste État islamique. Les forces du raid l'ont abattu, mais l'homme a parlé. Selon le procureur de la République, il a aussi laissé une vidéo de plusieurs minutes dans laquelle il menace de faire de l'Euro 2016, je cite, un cimetière. Dans le journal de 19h, on parlera notamment du quartier de son enfance au Mureau dans les Yvelines. Larossi Abala était même cité en exemple et tout le monde est surpris. France toujours, où 43 hooligans russes ont été placés en garde à vue après un contrôle ce matin. Tous seront entendus à Marseille et pourront être soit relâchés à l'issue de leur garde à vue, soit expulsés dans le cadre d'une procédure administrative, soit faire éventuellement aussi l'objet de poursuites judiciaires. Il s'agit de hooligans suspectés de débordement samedi dernier sur le Vieux-Port à Marseille en marge d'Angleterre-Russie. Par ailleurs, l'UEFA place la Russie en sursis en cas de récidive des supporters. L'équipe sera exclue de l'Euro. Chez nous, c'est l'actualité économique du jour. Le rachat de Lempiris par Total, le fournisseur liégeois de gaz et d'électricité, est racheté par le géant pétrolier. Somme estimée entre 150 et 200 millions d'euros. Et puis sur le terrain, cette fois à l'Euro, deux rencontres. Ce mardi, on joue dans le groupe F avec les dernières équipes à entrer en lice. Depuis 18h, l'Autriche affronte la Hongrie. Et puis tout à l'heure, Cyril, à 21h, ce sera l'entrée en lice du Portugal de Cristiano Ronaldo. Merci David. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Alors à propos de ce match en ce moment, Autriche-Hongrie, on en parle avec vous, Françoise Aleski. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. 31 minutes de jeu dans cette rencontre et c'est toujours à 0-0 dans ce premier match donc du groupe F. Il y en aura un autre tout à l'heure entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Islande à 0-0. Mais l'Autriche, qui est favorite ici dans cette rencontre face à la Hongrie, a très vite manifesté son envie d'aller de l'avant avec un tir sur le poteau après 30 secondes. Tir de la star de l'équipe, David Alaba. C'est le défenseur du Bayern Munich. David Alaba, qu'on peut oui, renommer. C'est presque ça, parce que c'était le piqué. Mais... Oui, bah c'est la barre verticale, c'est, ouais, une, c'est barre, une barre. Hein. Aussi, oh, ça c'est va. On chipote pour des orientations de barre. Merci François. Tout à l'heure, vous venez nous tenir au courant de l'évolution de ce match Autriche-Hongrie. 18h33, la météo tout de suite avec Dominique. Quel temps va-t-il faire ? Un retour au calme prévu pour la nuit prochaine et ce soir avec pas mal de nuages bas. Minima 9 à 12 degrés. La suite de la semaine sera marquée par un temps assez instable avec de nouvelles averses. Pas mal d'averses ponctuées d'un coup de tonnerre. Et au niveau des températures, ça oscillera entre 15 et 20 degrés. Merci Dominique, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Oui, avec tout d'abord une bonne nouvelle puisque un des deux accidents survenus sur le 42 Namur-Mons et autour de Gosselies, donc celui qui est survenu hier soir déjà, eh bien c'est terminé apparemment. La chaussée a été rénovée et la chaussée est rouverte en direction de Mons. En revanche, celui juste avant, donc on ne faut pas se réjouir trop vite quand même, puisque celui sur le 42 Namur-Mons impliquant deux camions autour de Fleurus, celui-là est toujours bien encore en cours et vous perdez toujours 1h20-25 en direction de Mons avec des ralentissements qui commencent à partir de la sortie Spi. Alors, terminé pour l'accident sur le ring 3 de Charleroi autour de la sortie Soleil-Monte, tant mieux en direction d'Épigny, ça roule. Sur le ring de Bruxelles, ça se stabilise. 23 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 19 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 15 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Et je suis pas tout seul cet après-midi dans ce 5 à 7, puisqu'à 18h35, c'est l'heure d'accueillir Bézac Arthur. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7, comment ça va ? Ça va bien. Alors Bézac Arthur, c'est forcément ce morceau-là que vous entendez sur Vivacité, et c'est un nouvel album qui arrive, on va en parler dans quelques secondes. J'irai faire battre ton cœur à ton même destin. J'irai faire battre ton cœur. Pour faire battre ton cœur, je devrais oser balader. Pour faire battre ton cœur, je devrais foncer balader. À l'intérieur de toi, j'apprendrai à nager. Alors Bézac Arthur fera un live dans un instant et puis il y a ce projet un peu dingue. Vous allez partir à partir du mois de septembre pour faire un tour du monde musical et pour préparer un nouvel album. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années. Je rêve de faire ça, donc de partir autour du monde pour enregistrer des artistes. Ouais. Moi, je le fais d'habitude juste avec un sac à dos et ma guitare. Et l'idée, là, l'idée c'est vraiment d'organiser ça et de rencontrer des artistes au Canada, au Mexique, au Burkina Faso et à Taïwan. Donc j'ai déjà les artistes, le projet il a déjà sa forme et tout. Mais voilà, je cherche des personnes pour m'aider là-dedans, et notamment via un financement participatif. Donc j'ai fait appel ici à KissKissBankBank pour le faire. Ouais. Et donc voilà, ici je vais enregistrer des artistes et mon deuxième album autour du monde. Bah ça, c'est un projet sympa. Un peu fou. Alors le projet KissKissBankBank, l'idée c'est d'aller sur le site internet donc, ouais, et de vous donner de l'argent pour participer à la création de cet album et ce voyage. C'est pas juste donner de l'argent, c'est vraiment acheter déjà par exemple le deuxième album, ouais, ou carrément le truc le plus dingue, c'est de donner la totalité, de venir avec moi dans l'aventure. Quoi. Et ça coûte combien si on veut donner la totalité? Ça c'est dans les 5000 on va dire. Mais c'est un beau voyage quand même. C'est un beau voyage. Parce ouais. que vous allez passer par quel pays? On refait le tour. Donc le Canada, je vais aller à Montréal, donc ouais, enregistrer avec Ian Kelly et Ariane Brunet. D'accord. Je vais passer ensuite au Mexique pour enregistrer avec Roxana Rio, ouais, artiste de Mexico City. Et puis je vais aller à Taïwan enregistrer avec l'Echo Orchestre. C'est un orchestre, c'est tout avec des instruments de bambou, donc tous des instruments qu'ils ont fait eux-mêmes. Et puis je vais passer en Afrique, au Burkina, pour enregistrer aussi tous des instruments africains, instruments qui sont aussi faits par des artistes, des vieux instruments, quoi. Voilà. Alors il faut payer pas mal de choses. Il y a les billets d'avion pour partir. Par ouais. contre, sur place niveau logement, vous êtes à chaque fois accueilli chez les artistes avec qui ouais. vous enregistrez. C'est ça. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir c'est un projet quand même écologique et qui va limiter mes déplacements, d'être hébergé via aussi des sites comme Couchsurfing et par les artistes pour pouvoir être vraiment resté sur place avec vraiment vivre une aventure aussi avec ouais, tout à fait. Mais il va être super riche cet album après, avec ce tour du monde, ces rencontres. Ouais, ça va être incroyable. En plus, on va le partager donc avec des vidéos, donc les gens qui peuvent nous suivre sur la page Facebook, sur le site internet, ils verront tout ça, tous ces échanges avec les artistes. L'idée, c'est voir aussi comment ça se passe ailleurs, comment les gens d'autres pays vivent la musique, vivent leur musique, comment voilà, ils enregistrent, quel est le rapport à la culture et tout. Donc ça va être un beau projet. Ouais. Et ce sera à suivre aussi sur Vivacité, puisqu'on fera un point régulier avec vous, ouais, pour savoir comment se passe ce voyage. En attendant le nouvel album, donc là, avec ce voyage, ça fait un album qui sortira quand à peu près? Ici, on va dire septembre 2017, quelque chose comme ça. 2017, il ouais. faudrait être un petit peu patient. En attendant, on peut vous soutenir donc sur le projet KissKissBankBank. On va mettre le lien sur la page Facebook de l'émission 5 à 7 via Cité RTBF. Et puis en attendant donc ce nouvel album, il y a l'actuel. On va faire quel morceau en live dans un instant? On va faire Ciel du Nord. Allez, Ciel du Nord qui arrive dans quelques petites minutes sur Via Cité. Ce sera juste après l'histoire de vos hits, c'est Pop Story avec Marc Toesca sur Via Cité. Pop Story. Marc Toesca. Imprononçable, incompréhensible ou parfois complètement ridicule, on s'est tous demandé un jour comment les groupes choisissaient leur nom de baptême. Certains d'entre eux se sont inspirés du cinéma, comme Texas par exemple, dont Charlene Spitry, la chanteuse, avouait sa passion pour Paris, Texas, le film de Wim Wenders avec la sublime Nastassia Kinski et Palme d'Or en 84. Duran est aussi un nom de groupe sorti tout droit de la grande histoire du cinéma. Ce fameux Duran Duran est un savant fou créateur de Barbarella, sorte de poupée humanoïde, libre, sauvage et objet de tous les fantasmes. Le film, réalisé par Roger Vadim en 68, met en scène Jane Fonda dans le rôle de la prêtresse de l'orgasme et s'inspire assez librement de la bande dessinée érotique de Jean-Claude Forest. Avant d'être le nom d'un groupe qui cartonne dans les charts au milieu de la décennie 80, Funyun Cannibals est un film réalisé en 1960 par Michael Anderson avec Natalie Wood et Robert Wagner. Si, si, le Jonathan Hart de l'amour du risque. Si Funyun Cannibals, le film, n'a pas laissé une trace indélébile au box-office, le groupe, lui, en revanche, s'est offert quelques numéros 1 dans les charts comme en 89 avec She Drives Me Crazy.

Dans 15 minutes maintenant, vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec le Tip Top la quotidienne, enfin comme tous les soirs quand il n'y a pas la Belgique qui joue, puisque hier soir, émission spéciale, alors on va pas revenir sur le match d'hier soir, mais en tout cas, juste après le Tip Top la quotidienne, rendez-vous, nouveau rendez-vous bleu blanc diable pour débriefer les matchs de la journée, mais tout à l'heure à 19h, de la musique, avec entre autres ça, Charlie Puth. One Call Away, c'est à écouter tout à l'heure dans le Tip Top la quotidienne dès 19h sur Viva. C'est d'après-midi 5 à 7 avec un invité, Bézac Arthur, qui va partir faire le tour du monde pour préparer son nouvel album. On vous met toutes les infos sur la page 5 à 7 via Cité RTBF, puisqu'il a besoin de votre soutien pour pouvoir financer ce voyage et pouvoir ramener un maximum de sons à travers le monde entier. Mais en attendant ce nouvel album, il y a un single qui s'appelle Le Ciel du Nord. Bézac Arthur, vous êtes prêt pour le faire en direct ? Ça va aller, ouais. Allez, bah c'est parti, Bézac Arthur dans le 5 à 7 ce soir sur Viva. Sous le ciel du Nord, il s'envole, il s'envole. Sous le ciel du Nord, il s'envole, il s'envole. Il habite ma rue, ce garçon de 10 ans. Il se demande s'il pourra y rester très longtemps. Il joue à faire pompon, mais pense comme les grands. En déployant ses ailes, il m'a chuchoté au tympan. Sous le ciel du Nord, je m'envole, je m'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Il dit j'ai ce ciel pour danser au-dessous. Un bout de l'Europe pour m'échapper et faire le fou. Si je m'envole au loin, seras-tu le caillou où j'agripperai les mains, où j'en rirai et ça tout. Sous le ciel du Nord, je m'envole, je m'envole. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Dans son pays d'origine, il mange des racines, des carcasses de poissons et des balles de carabine. La plupart du temps, il doit la jouer fine, porter un long fusil et ne pas courber les chines. Sous le ciel du Nord, il s'envole à présent. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Je ne l'ai pas revu, ce garçon de 10 ans. Car hier, il a reçu une lettre qui dit va-t'en. On ne le verra plus au tiré dans le vent. Et fuir comme ses parents en se cachant tout le temps. Sous le ciel du Nord, il s'envole à présent. Sous le ciel du Nord, il s'envole au commun grand. Sous le ciel du Nord, l'orage vient en riant. Ah, terrible! Bézac Arthur en direct ce soir sur Vivacité dans le 5 à 7. Vous allez pouvoir retrouver tout ça en vidéo sur rtbf.be/ovio. Bézac Arthur, si on a envie de vous voir cet été avant que vous partiez faire votre tour du monde pour préparer le nouvel album, c'est possible? Ouais, on va bientôt jouer ici dans le sud de la Belgique, justement, à Moucron, ouais. Le 24. Et juste avant, je crois que c'est déjà ce vendredi, le 17 à Charleroi. On va jouer pour les fêtes de la musique. Tout ça, c'est sur le site bezacarthur.be. Eh ben, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous êtes sur Facebook aussi. Là, sur Facebook, pendant votre voyage, vous mettrez plein de choses alors. Ouais, j'ai fait publier des carnets, des petits, de manière hebdomadaire, des vidéos. Il y aura plein de choses. Ouais, on va faire. Donc, si on n'a pas la possibilité de voyager avec vous, parce que vous le disiez tout à l'heure, si on met les 5000, on peut. Ouais. Si on n'a pas la possibilité, on pourra déjà le faire de chez soi en étant sur Facebook. Mais merci beaucoup d'être passé nous voir. Et puis, on vous souhaite plein de succès pour ce projet. On rappelle que le lien avec toutes les infos, on va le mettre sur la page 5 à 7 via Cité RTBF pour pouvoir vous soutenir pour ce autour du monde. Un tout grand merci. Avec plaisir. À très bientôt. Bonne soirée. Juste avant, les enfants de cœur sur Vivacité, le best-of de l'émission de dimanche. Un petit point foot avec ce match Autriche-Hongrie, François Zelensky. Et c'est la mi-temps, Cyril. Toujours 0-0 dans cette rencontre, malgré une nette domination autrichienne. On en profite pour vous glisser un petit record dans ce match. Le gardien hongrois Gábor Királyi est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match de phase finale d'un euro à 40 ans et 75 jours quand même. Il détrône l'allemand Lothar Matthäus et il est connu, Gábor Királyi, pour porter un pantalon de training le gris pyjama, là, et ouais. trop large. Voilà, le pyjama, on en a parlé. Et là aujourd'hui, il le porte, ça lui va très bien. Ça lui va bien. À un moment, c'est plus rapide pour aller au lit directement après le match. Hein. Ça fait très papy, hein, 40 ans, le pyjama. Il va avoir une petite bouillotte bientôt sur à côté, une petite tablette à côté de son goal avec sa petite boisson pour être tranquille pendant le match. Ben merci François, match à suivre encore forcément, vous revenez nous tenir au courant dans la suite de ce qui va se passer ce soir sur Vivacité, le Tip Top La Quotidienne dans quelques minutes avec Philippe Jauniot. Mais pour l'heure, voici le best-of des enfants de cœur que vous retrouvez tous les dimanches sur Vivacité à partir de 9h sur vivacité.be tout au long de la semaine s'il vous manque, et ce soir à nouveau dans 5 à 7. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Dès que la bonne saison arrive, partout en Belgique, la kermesse annuelle, c'est sacré. Dans mon quartier, c'était la semaine passée, et pour éviter les tentations, j'y suis allé, mais très tard. C'était un mauvais calcul. J'avais à peine reçu mon cachet sur le poignet quand un air a fait grésiller les baffles du chapiteau. Toutes les femmes sont belles. Pour ceux qui ne connaissent pas, un chapiteau de kermesse, c'est comme un fort de cow-boy dans les films de John Wayne. Toutes les attaques en traître sont possibles. Et après à peine quelques secondes, la mienne est arrivée. C'était ma voisine Fernande, plantée devant moi, qui me hurlait « Dominique, tu ne peux pas me la refuser, celle-là, c'est ma préférée. » Et elle m'a entraîné sur la piste de danse en m'agrippant les poignées d'amour qui se sont transformées sur le champ en poignées de terreur. Un slow avec Fernande, c'est comme un combat de judo. Le premier défi, c'est d'arriver à agripper son adversaire. Le tablier en lycra qui boudine le corps comme la cellophane sur le barquette de roast beef, ça glisse fort. Heureusement, je n'ai pas dû trop essayer d'empoigner Fernande, puisqu'elle a immédiatement plaqué sa joue contre moi. C'est-à-dire, vu notre différence de taille, entre mon nombril et ma grande aiguille qui marquait 6 heures. Et la musique a continué. Toutes les femmes sont belles. Pour tenter de me détacher de Fernande qui faisait ventouse avec sa joue sur ma chemise, je me suis donc courbé en deux en arrière, avec le nez à l'équateur et le derrière au pôle nord. Et j'ai essayé de tourner en essayant de ne pas voir tous les regards des voisins assis sur les bancs braqués vers nous, puisqu'on était le seul couple sur la piste de danse. Je ne connais pas personnellement Franck Michael, et je veux bien admettre que la population des maisons de retraite est un bon public qui ne rouspète jamais sur les paroles de ses chansons, vu qu'elle est composée à 99% de sourds. Mais quand on écrit un refrain comme toutes les femmes sont belles, on vérifie si c'est vrai au lieu de pourrir la vie des autres. J'étais occupé à me dire que j'allais lui envoyer une photo de Fernande qui sort ses poubelles pour qu'il mesure la bêtise de ses paroles, quand je me suis aperçu que ça faisait 3 minutes qu'il n'y avait plus aucun couplet entre les toutes les femmes sont belles. En fait, le CD était griffé. L'abdomen coincé par le crâne de Fernande, j'ai tourné le cou vers la sono. C'est en ce moment-là que je me suis rappelé que Jackie, le disjockey de notre kermesse, il boit beaucoup. Donc régulièrement, il lance un disque et il part faire pipi. Et là, il était sans doute occupé à jouer un air de castagnette avec sa prostate parce qu'il ne revenait plus. Quand sa survie est en jeu, l'homme a parfois des réflexes étonnants. Profitant que Fernande avait fini par s'assoupir debout, le menton appuyé sur ma boucle de ceinture, j'ai remonté mes doigts dans son dos en évitant de lui dégrafer sa gaine par réflexe. Et je lui ai bouché discrètement les oreilles. Et ça a marché. Fernande s'est écriée « Oh, dommage, c'est déjà fini. » Et elle est partie s'asseoir. Le plus dur pour moi, finalement, ça a été de me balader pendant 40 minutes avec mes doigts plantés dans ses oreilles jusque quand le disjockey est revenu. Je vous remercie. La chronique est signée Dominique Watrin. Vous les retrouvez bien sûr sur vivacité.be. N'hésitez pas à aller faire un tour. Parce que de temps en temps, vous êtes en soirée, vous êtes peut-être tout seul aussi, et vous dites tiens, je manque de rire. Ben voilà, on peut réécouter Les Enfants de Cœur et les retrouver en vidéo. Et si vous manquez de musique, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là avec sa besace pleine de tubes du moment. Bonsoir Philippe Jonniot. Salut Cyril, salut tout le monde. On arrive aussi avec une interview exclusive des membres de la troupe des Trois Mousquetaires. La classe. La classe quand même. On vous offre les albums. Et puis côté musique, on démarre l'émission avec Hoover Phonique dans quelques secondes. 10 dans le classement du Tip Top. Et vous, bah, on vous retrouve demain à 17h. Bah, il paraît. Vous restez avec nous. Tip Top arrive juste après les infos. À tout de suite. Présente, envie de vivre un chouette week-end en famille ou entre amis? Ouvrez les portes du temps et voyagez de la préhistoire au Moyen-Âge, du village olympique au village italien. Découvrez le marché marchand, l'auto-show, chiner, déguster, flâner, bouger, danser, Flémal en fête, les 18 et 19 juin dès 11h. Info flémal.be. Bonjour, c'est Jordan Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range? Voir Christian marquer en Ultra High Definition? Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Van den Bord, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement. Ou faites-la vous livrer dans les deux heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenbord.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Van den Bord, la confiance. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent le village de la fête de la musique les 18 et 19 juin. Retrouvez-nous au parc du cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markelife, Dan San, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam Fort Culture, Sud Presse et Grand Casino Brussels Village. Il est 19h. David Riffon, bonsoir. La France ciblée hier soir par une nouvelle attaque terroriste. Un homme de 25 ans d'origine marocaine, né en France, a tué à l'arme blanche un commandant de police et sa compagne à Magnanville, près de Paris. Attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique et considérée comme un acte terroriste par le gouvernement français. Le procureur de la République François Molins a donné plus de détails cet après-midi lors d'une conférence de presse. Larossi Abala a été plutôt bavard. Il aurait dit aux enquêteurs, aux négociateurs du raid qu'ils l'ont finalement abattu. Il aurait dit avoir prêté allégeance à l'État islamique 3 semaines avant son acte. Il a expliqué également être un musulman pratiquant. Il a ajouté avoir répondu à un communiqué du chef Abou Bakr el-Baghdadi, communiqué qui demandait de tuer, je cite, des mécréants chez eux et avec leur famille. Mais qui est Larossi Abala?